Et du four en même temps, ce qui est particulièrement difficile ce soir pour ce sportage 700 fraises. Ah ouais. Oh, écoute, ça, est-ce qu'on peut me monter un petit peu à moi? Voilà, vous êtes, quand j'ai dit me monter, monsieur, vous pouvez être gentil. Oui, profitez, mais pas du tout. Quelques instants, un match de champion de foot de France. Oui, alors on vous donne une petite explication quand même quant à cette surprise. Là, d'un seul coup, qu'est-ce qui nous prend de commenter de la Ligue 1 alors qu'on ne l'a jamais fait pratiquement? Eh bien, normalement, nous louperons mardi soir le match qu'il ne faut pas louper, mais c'est ça aussi, Sportaz, c'est parfois le contre-pied. Et nous louperons donc ce match, donc pour nous rattraper, eh bien, nous avons décidé de nous faire ce petit cadeau ce soir, ce petit cadeau surprise. Tchoukachoukboum. Ce match de Ligue 1, Marseille-Lille, voilà. Tchoukachoukboum. Tchoukachoukboum. Tchoukachoukboum. Nous sommes le 6 mars 2011, nous sommes en direct. Il n'est pas tout à fait 21h. Tchoukachoukboum. Et nous sommes dans le studio 20, bien évidemment, le studio 20, d'où est émis cette cultissime émission qu'est Sportaz, je vous le rappelle. C'est notre générique surprise. On s'installe tranquillement, le match n'a pas commencé, vous savez comment ça se passe, hein. On va pas tout vous raconter tout le temps, tout vous refaire. Oui, le time shift, madame, vous avez raison, la pancarte. Les gens viennent avec des pancartes time shift maintenant dans les studios, c'est assez remarquable. Oui, vos messages pour savoir si le son est correct. Ouais. Ah, ce serait sympa, oui. Ça nous aide, hein, c'est surtout techniquement, ça nous permet de ne pas courir jusque de l'autre côté du salon pour aller vérifier sur la machine. De toute façon, alors, est-ce que ça sera suffisant? On va voir si ce sera suffisant, ça, monsieur, mais laissez-moi au moins finir ma phrase avant de commencer la vôtre. Ça va, Jacques, sinon? T'es en vacances, là, t'as pris... J'ai pris, ouais. T'as pris du son. Ça, on a pris, ouais. En ce moment, on prend beaucoup. Jacques fait énormément de prises de son. C'est un donneur universel et il reçoit aussi également à peu près tous les sons. Le peuple marseillais, là, hein, dans le vélodrame, hein, ce soir. Attention, parce que Lille, alors Jacques, là, je vais faire un peu le journaliste sportif, d'accord? J'ai compris, j'arrête. Ne faisons pas trop vite, on voit Maurice et Morissette, ah, oui. Deux commentateurs. Ah, yeah. Doudoune et Tweed. Hein. Doudoune et tweed. Moi, c'est Tweed, je préfère la monnaie Tweed. Alors, est-ce que c'est monsieur, un arbitre professionnel national, hein. C'est monsieur national. Oui. Ça fait un peu peur ça en ce moment. Ça fait un peu peur, là, quand même. C'est un monsieur sous-division. ça aussi, ça me rappelle. Oui, c'est vrai. Ça rappelle de mes souvenirs, tout ça. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jacques, vous êtes aux commandes. Oui, je suis aux commandes. Deux pizzas pour moi. Oui, une calzone, bien évidemment, comme merci. Toujours. Et une pepperoni. Je connais vos goûts, mon cher ami. Alors, je suis bien évidemment à la pizzeria chez Mario. Écoutez-moi cette ambiance ici chez Mario, c'est absolument remarquable. Il fait cuire les pizzas au Hard Rock. Voilà. C'est-à-dire qu'il passe du Hard Rock dans le four. Écoutez ça. Ça commence bien. Merci. C'est pizza cuite au Hard Rock. Ah, et oui, les joueurs ne sont pas sur la pelouse encore, madame. On ne peut pas se mettre à commenter un match qui n'a pas débuté, vous comprenez bien que. On est décalé, mais quand même pas à ce point. Et ça arrive. Excusez-moi, c'était une petite aparté tout à l'heure. Je vous retrouve dès que j'ai quelques informations. Ah, les, moi joueurs aussi, les joueurs pénètrent. Les joueurs pénètrent. Doucement, Jacques, doucement. Oui, ouais, écoutez, on va pas non plus, hein, on a pas fini, là, hein. On a pas fini de tout faire, on a le fromage, on nous a tout fait sauter. Non, arrêtez. Ici, donc, le stade Vélodrome, où l'équipe de Marseille s'apprête à jouer un match délicat, très délicat, super délicat, hyper délicat, contre une équipe qui joue super bien au foot. Voilà le contexte de cette confrontation. Ah non, je cherche, moi aussi je cherche. Est-ce que vous êtes là? Cherchez plus. Ah, il y a Marlon Brando qui est là ce soir. C'est qui? Voilà, on nous sauve la mise. Oui, l'équipe de Marseille. Ouais, qui est venu peut-être fêter le dernier Tamgo à Paris. C'était fort, hein, le dernier Tamgo cet après-midi. Non, magnifique, un pas de 17m92. Wow. C'était la révolution de 1792. T'as intérêt à avoir un grand salon. In a few minutes, Sporters 7-1-3. Hein, c'est le chiffre porte-bonheur ce soir, le 713, bien évidemment. Je vous rappelle, nous sommes le 6 mars 2011 et nous sommes en direct. Confort auditif. Oui, confort auditif, en vérifie tout. Nous avons un léger faux contact, visiblement. Mais tout va s'arranger grâce aux doigts de fée de la technique. Alors, monsieur sous-division, ça n'allait pas, monsieur national, on prenait pas. Qu'est-ce qu'il nous reste, monsieur inférieur? C'est pas très sympathique, monsieur inférieur. Monsieur chance, monsieur new, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on leur trouve à ces nouveaux arbitres là qui arrivent de nulle part? Oh, monsieur. Qui s'attendait? Monsieur N1. Ça fait route. Oui, voilà, hein, voilà la métropole lilloise, vous voyez, avec Roubaix, Tourcoing. Tout, bien évidemment, ce berceau de l'industrie, maintenant de l'économie parallèle, et bien évidemment, avec tout ce que cela peut se comporter, comme vous l'entendez. Ah putain, qui c'est qui m'a écrit ce texte pourri, là? Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est un match chaleureux auquel nous allons assister. Mais au cas où il se passerait quelque chose... Tout de suite, écoutons la pluie. Ce soir, elle était venue donner le soutien de la France, allez. Très bien. Il pleut encore, hein, pardon. Sportage apporte bien évidemment son soutien de la France. Oui, un Pierre Villepreux a donné ce coup d'envoi. Oui. Alors attendez, que tout ça. Qui joue contre qui? Parce que j'arrive là. Alors où on est et pourquoi, Jacques? Écoutez, c'est du championnat de France, il y a du RIF IFI en ce moment dans l'arbitrage et qu'il faut soutenir le professionnalisme en France, hein, qui a quelques soucis. D'ailleurs, nous allons nous-mêmes dédicacer ce match, hein, cette diffusion un peu fantôme ce soir, on verra combien vous êtes à capter le message, mais nous allons dédicacer ce match aux arbitres, trop souvent insultés, trop souvent tapés. Trop souvent agressé. Oui, spécial shootcast, y compris à ombilical.org, sans qui nous ne pourrions streamer autant. Mais nous pourrions streamer tout de même. Bon, je crois qu'on a fait le tour des félicitations, des sympathies et des amis. Nous referons bien évidemment un petit cours des partenaires tout à l'heure. Mais là, maintenant, il faut rentrer dans cette confrontation. Rah ! Comme les deux joueurs bastoon. Se sont rentrés dedans. Là, voilà comment il faut y aller dans ce match. Belle partie, hein, monsieur N, donc il court moins bien que normalement les professionnels du dessus. Oui. En tout cas, qui est moins bien payé, ça c'est sûr. Ça c'est, au niveau salaire, là, c'est plus tout à fait la même chose. Alors, est-ce qu'il sera compensé? On verra ça plus tard, bien évidemment. Vous avez une superbe image, vous salaud. Moi, j'ai une image toute grise avec le ballon qui est donné par les Lillois. Attention, car les Lillois sont particulièrement sympas. Ouais, il fait une petite modification il n'y a pas très longtemps sur l'image avec Lillehammer. Lillehammer. Lily Allen. Tant qu'il n'y a pas l'îlotier, je le rappelle, tout va bien. Lille. Et la relance est ch'ti. Alors, Lille, c'est ch'ti? Oui, c'est Nord. C'est Nord, oui. Mais est-ce que c'est ch'ti? Parce que Lens, c'est ch'ti. Tourcoing, Roubaix, Lille, c'est ch'ti. Ouais, mais là, c'est Marseille. Ah ouais. Ça va aller. Ouais, ok, monsieur Scartefig. Oh, qui récupère bien la balle, monsieur Scartefig. Il reste pas Nice. Oui, sur la droite pour Waddell. La fite. Château, la Non, René n'est pas là. Hein. On a le public qui saute et qui crachouille un peu, qui revient. Une belle petite atmosphère ce soir au Vélodrome, ici à Marseille. Avec un premier corner, Marlon Brandao qui est à l'antenne. Marseille qui n'a pas été champion de France depuis l'an dernier. C'est une formule qui sonore. Alors qu'on a eu Landru dans les buts, hein, Landru dans les buts lillois, on oublie que Landru joue à Lille, et que c'est un très bon gardien, et qu'on écoute la musique au mort après ce qui s'est passé dernièrement. PCC. I'm gonna let them know that Dolomite is back on the scene. Merci, mais allez-y. I'm gonna let them know that Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my name. Ok, c'est vrai qu'on a laissé un petit passage, là, il s'est infiltré. Ouais. Par contre, la défense de Lilou. Oui. enfin Lilou, Lilou, comme oui. Vous l'appelez, hein, bien évidemment, parce que nous aimons cette équipe, bien évidemment. Alors, c'est Lilou, Lilette, c'est Lila, c'est tout ce que vous voulez, bien sûr. Vous permettrez, Jacques, hein, une petite. Si vous aurez réussi à ouvrir cette putain de bouteille. Le ballon. Ah, je vois que cette fois-ci, il l'a eu quand même. Bon petit ouais. Grenadine. À la moelle. Il les bouchonne hein, maintenant, les gars. Bon ralenti, super Rami. Un super Rami, là. Oui, super Rami. Super Rami. Rebelote, oui. Ce sera donc un corner pour les Marseillais qui jouent à domicile, tandis que là. Oh, ce bruit. On voit souvent Marlon Brandao à l'écran, c'est normal. Jacques, c'est quand même le joueur acteur. De... En fort, oui. Ouais, carré. Regarde, il est là, ouais. Marlon Brandao. Avec mais... ce corner de l'OM, bien placé là-bas. Et Joe le Corbeau Kangourou. Oui, il y a aussi le ketchup Heinz qui vient essayer de mélanger tout ça tranquillement. Ou d'épicer un peu ce corner. C'est parti, Jean-Louis, on y va. On voit le magnétoscope, c'est bon, c'est lancé. Oh, la tête repoussée, bien sûr. Alors, est-ce que tu as des infos sur la qualité des coups de pied arrêtés offensifs chez l'un, défensifs chez l'autre? Tu as des infos? Non, j'ai jeté le. Le journal tout à l'heure. Sans le lire. Sans le faire, sans le savoir. Voilà, récupéré par l'OM Marseille avec Jean-Pierre Poissonnerie. Comme on dit en matière de légumes, on est plus sûr de rien. Oui, je composte. Voilà, récupéré par les Lillois. Attention à ce milieu Lillois, Jacques. Alors, je vais essayer de t'intéresser quand même à ça, parce que j'ai l'impression que tu es là. Non, parce que là, le demi l'illumine. Oui, effectivement. Ouais, ouais, c'est une formation qui s'articule parfaitement. Et attention aussi au buteur, hein, les lois. Non, oui. Oh. Non, ce n'est pas un hasard s'ils en sont là. Le ballon sur la gauche là-bas, non. Avec Jean-Pierre Kanker. Jean-Pierre Kanker qui arrive trop tard. Ouais. C'était Ketchup Heinz. Oh, voilà la frite. Oui, oh, la Ketchup Heinz qui, effectivement, assaisonne un peu tout ce qui passe. La frite n'y échappe pas. Ils sont debout. Merci Jean-Louis pour ce ralenti, un peu de sel, merci, tout va bien. Ah. Allons-y. Il est un sergent Garcia, l'entraîneur de Lille, prêt à... Manolo. Ouais, Manolo qui s'est dégagé par Lille, toujours 0-0, on n'a pas fait le time shift hein, cette fois-ci, nous c'est nous vrai, manquons, c'est vrai. Donc complètement manqué. Quelques secondes. Combien vois-tu sur ton écran? 14. Non. Non, mais je parle des secondes, 5, 14, et non, mais oui, mais la minute, c'est important. 20, 5, 22, 23. Oh oui, 4, allez, à tout à l'heure. Hein. Merci à tous et bonsoir. Bienvenue, 5, 22, 9, 5, 30, 5, 31. Ouais. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à envoyer vos messages sur lesportas.fr à la rubrique ou à l'onglet réagissez avec Marseille. À Lille. À Lille, non, à Marseille, bonne attaque, Marseillaise, il peut la mettre. Oh, dommage. Il a eu deux fois la chance de bien centrer, deux fois il a merdé, c'est regrettable, c'est oui, sale, c'est dégueulasse. Récupération lilloise par Clipotti, Jean-Pierre Clipotti. Match de secours, hein, au cas où il y ait une panne de match, nous inventons donc le match de secours. Oui, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais c'était pas tout à fait le moment, donc finalement on peut y revenir maintenant. S'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît. Donc, je disais, Jacques, hein, que nous avons un match effectivement de secours au cas où ce match casserait. Oui, et Santander contre Real Madrid, si tout va mal. Si tout va mal, bien sûr. Sur ce, Lille-Marseille, voire Marseille-Lille. Mais pour l'instant, ça me semble aller tout à fait dans les dignes trucs du championnat de France, c'est-à-dire 0-0 pendant environ longtemps et peut-être toujours. Ballon récupéré par le portier. Sur cette passe de Ozard. Exélérable. Qu'est-ce que vous trifouillez là, on manque de sang les gars, c'est vrai qu'on a du mal à récupérer tout ce qu'on cherche à avoir. Et à vous mettre... qui nous arrive en même temps, c'est pour ça. Ah, attention, ça y est, là c'est pas. Ça va tellement vite que dans... Mais ça arrive d'un coup. Oh, ballon mal. Là c'est en danger même. Oui, c'est... C'est si c'est... Qu'en est-il du... Si, hein, parce que c'est pour toi. Qu'en est-il exactement du match Non, il en est qu'il est voyez, il est entre la vie et la mort ce match, voyez-vous. Il est en soin pour l'instant, en soin d'urgence. Et dans quelques instants, je pense qu'on va pouvoir le recentrer. Mais Lille est heureux, club, de jouer sur une pelouse digne de ce nom. Et Lille va développer son jeu fait de passe, petite et salope, qui met la défense adverse dans l'embarras. qui est vraiment trop. Avec un. Oui, voilà, Lille qui monte avec Bazar. Bazar qui a la balle, Bazar qui la met bien. Quel soulagement, parce qu'on a vécu deux matchs incroyables, totalement différents, mais la Coupe de Ligue, c'est ça, c'est des émotions à gérer, on croit qu'on passe devant, on passe pas. Jérémy prend un mauvais départ, c'est le pire départ qu'il puisse prendre. Voilà, vous avez compris. Hein. Il se bagarre, il fait des efforts et il lâche pas l'affaire parce que c'est la Coupe Davis pour ses copains. Et, ouais. Et petit à donc on a compris, ils ont gagné quoi. Ouais. Ils ont gagné. C'est le à Lille. Non, on est à Marseille, Anthony. Mais vous faites chier, m'envoyez partout là. Dans Autriche aussi. Maintenant récupéré tranquillement par Lille. Lille qui commence à poser son jeu. Attention, ce jeu fait de petites passes salopes. Il met la défense adverse dans l'embarras, je le répète. Une faute sur. Lucaliente, c'est Lille putain qui a fait cette. petite doigt. Ah, le voilà. Qui s'était mise au Gulliver. Aussi. Le ballon récupéré par Lille. Lille impeccable. Lyle. Implacable et impeccable. Lyle ou la cuisse. Ouais. I ask, je questionne. I ask. On revient dans son camp, mais ça n'ira pas vite, caporal, avec commandant qui cherche chef. Ouais, chef. Non, mais chef n'est pas bien, chef. Là. Ça fait pas bien du tout, il faut arrêter si, de. Oh là là, si, ça. Grand-dadé. Ah ouais, c'est qui Grand-dadé. Grand-dadé pour Jacques. Attention, car Lille attaque, Lille va marquer. Lille est très fort, Lille aime jouer comme il ça avec des grands trucs. Oui, et c'est Mandanda international qui peut capter la balle et la dégager. Lille au centre, c'est pas le plus facile. La France est petite. Ballon récupéré une fois de plus par les ch'tis, par les joueurs du Nord qui appliquent les consignes à merveille, mais les consignes des vrais, des trucs, tu prends la balle, tu joues, tu galopes et tu marques. Pas des consignes. Arrête comme ici. Oh le goal. Oh le goal. De Bazar. Que c'est Bazar. Le génie belge a le frappé. Ta gueule. Oh quel but. Ah oui, Bazar. Ça résout tout. Ça décoince ce match, débloque le score. Ah oui, ça te met, voilà, t'as juste le temps de discuter un petit peu là, c'est parti. On n'a pas dit, mais la météo des buts aujourd'hui est très forte, hein, très puissante. Il y a une diarrhée de buts cet après-midi et ce soir, c'est pour autant la même chose. Un cumulonimbus, hein, toi exactement, Jacques, absolument. Bonsoir, je vais vérifier s'il y a des messages, je vais à la cage. Ici, ouverture du score pour ceux qu'on préfère. Hein. On va pas vous le cacher, on est Lillois. Oui. Eh oui, sans toi, Lillois. Match par hasard, mais but par hasard. Attention, parce que Marseille est vexé. Forcément, Marseille joue sur sa pelouse. Alors maintenant, bien évidemment, les Colts vont sortir. La pègre va rentrer sur la pelouse. Ça va pas être la même chose. Ça va devenir bon. Borsalino commence. Ouais, l'ouverture du score par Lille, incroyable, hein, début de match qui était un petit peu mou pour dents. Hein. On serrait les dents. Oui, on va revoir ça gentiment au ralenti, dehors jeu d'une part. De toute façon, elle a frappé, superbe, belle, rapide. Et je pense que Mandanda d'arrêt international n'y croit pas jusqu'à ce qu'il la voit arriver. Et go. Magnifique go, il y a créé le joueur lillois, et beau de boum. Voilà comment on peut marquer un but dans le championnat de France. Oui, il suffit de taper dans le ball. Oh, putain. Oh. Bien vu. Oh. Bon but. Ouais. Ah ben voilà qui nous lance la partie. Marseille va être obligé de s'y filer, de s'envoyer sa mère, voyez-vous, pour ne pas mourir. Car là, il s'éloigne. Tout le monde dirait sans Marseille vers le titre. Donc il faut y aller. Ça swing, hein. Ah. On me dit, c'est normal qu'on n'entende rien. Message. Bon. Ouais, message, c'est normal qu'on n'entende rien. Alors nous allons voir ça tout de suite. Confirmez, veuillez confirmer votre message, nous allons l'approuver. Bon. Si vous confirmez votre message, c'est que vous l'avez entendu, donc c'est que vous mentez. Donc, veuillez confirmer. Le ballon est dans les pieds lillois. On va continuer quand même à faire ce travail des professionnels qui nous a valu moult lauriers. Et attention à cette petite balle mal négociée par la défense marseillaise. Oh, c'était chaud. On fouille, hein, on regarde. Non, test. Test, est-ce que nous y sommes faible, peut-être, mais. Vérification. C'est pour ne pas être saturé. Ah ah. Ah non, mais on ne dit pas qu'on est faible, on dit qu'on n'entend de rien. Ah, on n'entend de rien. Est-ce que ça peut être. Est-ce que c'est faible? Alors nous avons un problème. Nous avons un problème. Hein? Compréhension du texte. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, ça continue à jouer. Nous trafiquons. Le ballon est récupéré par Marseille sur une mauvaise relance de Landry. Mauvaise relance qui profite pour l'instant aux Olympiens, mais faisant vraiment créer le danger dans la défense lilloise qui se joue à merveille. Oui, des fois, ces attaques marseillaises qui n'ont pas eu grand-chose. La relance, regarde-moi, ça on sort la balle magnifiquement, ouais. C'est superbe. En fait, parallèle, bien, Lillois, qui fait la loi, bien sûr. Ah, sur la pelouse, bah oui. Ça, son milieu de terrain, sa défense qui remonte vite les ballons. On fait passer la petite frayeur dans le dos de la défense, dans le dos des supporters. Lille est en avance et mène 1-0 ici au Vélodrome. On peut avoir le... Le quoi? Oui, le time shift à l'envers. Le film porno. Jean-Louis. Jean-Louis, le time... Tout va bien. Apparemment, oui, nous y sommes. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, direct, différé, voilà. Direct du stade, voilà. Ouais. Ouais, ici ils sont comme à la maison, hein, les spectateurs. Et Jean-Louis, c'est un très bon ralenti que tu as fait là, Jean-Louis. Je voulais te préciser que tu faisais du bon travail en ce moment, Jean-Louis. Nous sommes très contents de toi. Nous avons revoté à l'unanimité. Ton contrat est reconduit 2 ans, Jean-Louis. Score 2012. Score 1-0, oui. Pour Lille, couverture de... Oui, on ne peut pas dire qu'elle soit imméritée, cette ouverture du score, voyez-vous. Non, mais pas imméritée non plus, ils ont été plus sérieux, plus réalistes. J'ai plus pas réaliste. Dit imméritée, j'ai mérité. Attention à cette... à la revanche, forcément, la revanche marseillaise. Avec monsieur Kratofaï. Monsieur Kratofaï qui est pris, oui, oh là là, Marlon Brandao, à moins que c'est... Ouais. Non, c'est Mr. Ramy. Ramy. C'est Mr. Ramy. Rémi d'un côté, Rémi de l'autre. Remind. Regarde ça gentiment, on ralentit. Oh, quel beau plongeon, c'est superbe, ce plongeon dans la pelouse. Regardez comment il plonge. Oh, ouais. Ah, j'aime ces acteurs, ces cascadeurs qui prennent des risques. Avec si on mettait la pelouse bleue, ça ferait piscine. Pourrait y penser, tiens. Peut-être y penser l'été pour les matchs. Ouais. Hein, ça perturberait peut-être un peu le joueur. Le ballon est récupéré par Guillaume François, le cousin de David Émile. Jean-Alex. Jean-Alex qui s'est fait sécher finalement, monsieur. Monsieur sous-division, non, mais on avait trouvé finalement. Monsieur N. C'était pas beaucoup mieux, mais. C'est pas fort, franchement, plus fort. Ça fait moins peur. C'est pas dit. Pas à peine. C'est pas dit, monsieur. Il a un léger traumatisme crânien et quelques costellés, mais ça va aller. Pauvre arbitre, vous voyez ce qu'ils subissent pratiquement tous les week-ends, au moins pour l'un d'entre eux, alors s'il vous plaît. Hein. Nous dédions ce match aux arbitres, tout simplement. Ouais, avec Johnny. Johnny. Oh là là, t'as vu, prononce pas Johnny, le bruit. Jax. Il supportait pas qu'il appelle comme ça. recule. Des Marseillais qui ne savent pas par quel bout prendre le Nord. Hein, c'est normal, ouais. C'est une équipe du Sud qui n'a pas la... Oui, mais quand même, là, ils sont menés à 0, ils sont un peu emmerdés, tu vois. C'est à eux de montrer quelque chose, tu vois, de montrer la rébellion, la fuera, je veux dire, quelque chose de vindicatif un peu dans le jeu. Là, non, pour l'instant, ils somnolent. Non, fermez-la, hein, tous. Hein. Ça gueule un peu. Ils somnolent, tu comprends? Avec Jean-Pierre François qui... Qui a fait un peu n'importe quoi, là. Oui, oh, ben oui, depuis longtemps. Qui a un diplôme de MBA. Lettres, Il a enlevé des lettres sur la NBA, effectivement. Ouais. Championnat national, bien évidemment, de basketball américain. Pour ceux qui n'y connaissent rien. Touche à Lille. Ouais, touche-moi, moi, là. Ça prendra pas 5 minutes. Jackie, arrangez-vous, quand même. Le ballon, où est le ballon? Tiens, tout le monde s'en fout. Et puis ce ballon jaune sur une pelouse verte, je trouve ça un peu limite. Hein. Oui, avec un casque de croisé. Ouais, pour la télévision, ça n'est pas GG, les gars. En revanche, du foot pro hein, qui se cherche, un foot pro hein, depuis Nyarnia, l'Afrique du Sud, qui souffre. Oui. Merci Jacques d'essayer de rappeler des bons souvenirs. De moi, que c'était joliment fait. Et dernièrement, donc, hein, ces arbitres hein, de Ligue 1, ces arbitres ouais. Qui ont quelques difficultés à être respectés, certes, sur le terrain, pour des raisons de pressions économiques, votre règlement difficile à bien opérer sur le terrain, mais aussi qui ont des soucis de sous. Manifestement, des soucis de sous s'il réclame une augmentation des émoluments au même moment où la Cour des comptes réclame Eh bien, qu'on leur fasse sauter leur régime fiscal particulier, hein, parce qu'ils ont un régime fiscal très particulier qui leur fait rentrer quelques millions d'euros. De pourrir l'ambiance. T'aimes ça, t'aimes ça la merde. Et nos amis les arbitres n'ont rien d'autre que, apparemment, de ne pas apprécier les remarques de la Cour de la Compte, des comptes même, de la crypte. Et voire du de la crypte. Pendant ça joue sur la pelouse. Hein. Enfin, ça essaye de jouer. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La porte s'ouvre, mais le but n'est pas encore rentré. Oui, la porte s'ouvre d'ailleurs, et il refait de la radio à RMC après avoir claqué la porte de, justement, plein de clubs dans lesquels il avait investi. Ah bon ? C'est une info, moi. Alors là, par contre, je me méfie à mort. Envoyez une vérification, s'il vous plaît. C'est dont je doute. Oui, moi aussi, d'ailleurs. C'est cadeau. Oh. Tout le monde est là, je vois. Pas sûr. Je vois que tout le monde est là ce soir. Attention, corner pour Marseille, me semble-t-il. Ou coup franc, petit coup franc, corner, petit corner, coup franc. C'est un grand corner, grand con. Et voilà. C'est rentré, c'est monté, c'est repoussé, c'est encore dangereux. Avec Émile Perdone, c'est signalé par la vitesse. C'est un coup franc par monsieur. Eh man, tu me fais peur et ta musique, con. Arrête, tu me fais peur. 1-0 pour Lille. Entrez. 6 fois plus puissant. Ballon récupéré tranquillement par la formation olympienne qui, Jacques, toi qui as été entraîneur des plus grands clubs de football sur la planète, ton discours là, à cet instant, tu changerais quoi dans ta formation pour... Je dirais que je raterais de dire que rien ne doit... Oh là là, rien ne doit rentrer comme ici par exemple. Oh, il l'avait au-dessus. Oh, il le loupe. 2. Oh là, ils étaient 4 contre 1, c'est-à-dire 4 contre 1 à attaquer. Et il loupe cette occasion. Oh, what damage. Quelqu'un a sonné ? Compliqué, oui, pour cette équipe de l'OM hein, qui ne trouve rien. Pour tout vous dire, hein, Jacques est en train de mettre les doigts partout pour faire antenne. Ah, ça y est, tout est coupé. Ah, foutreuse, nous avons des sacrés... Arrête ton ballon, toi, connard ! On s'entend plus commenter. Arrêtez le ballon dans les gymnases. Non, s'il vous plaît, nous reprenons le cours de cette émission tout de suite, un peu de musique. L'homme. Et remonter du ballon par Bazar qui fout le bordel dans la défense marseillaise, c'est terrible. C'est terrible ce que les Phocéens subissent en ce moment. C'est la cavalcade, c'est la Bérésina, c'est Waterloo en même temps, c'est tout ça. Aïe. Aïe, Marseille, et puis on prend un deuxième si ça continue. Bon, allez, côté rouge. Et il récupère sans faire de faute ce ballon. Et oui, Marlon Brando qui râle. Finalement, il obtient du réalisateur une petite faveur. Là, ils se connaissent et c'est pour ça qu'il obtiendra le coup franc qu'il réclame. Petite poussette. C'est Barami. Mansour Barami qui a un peu bousculé. Et finalement, celui-ci tombe bas. Est-ce que j'ai un peu touché. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as plus rien dans les oreilles ou... Que d'un côté. Hein. D'un autre côté, tu me diras. Nous avons des petits soucis techniques, hein. C'est pour ça que vous n'entendez pas de musique, pas de son public, que des saloperies, voilà, comme ça, voilà. Attention. Ils approchent. Ils ne sont plus très loin du but. La défense a peur. Très peur. Il recule. Ballon tranquille pour les Lillois qui se jouent à merveille de la formation de Didier Duchamp. Et là, il est en train de se faire laminer tactiquement par son partenaire. Oh là là. Cette balle en retrait, c'est magnifique. Hein. Oh, il faudrait pas qu'il regrette Lille toutes ces petites occasions sympathiques qu'il se procure en jouant joliment. Regarde-moi ça. C'est vraiment, il joue comme à la maison. C'est Barcelona du Nord. C'est ce qui a été dit, un petit peu rapidement, hein, parce que là, on peut pas dire non plus que ce soit le Real en face. Hein. C'est pas tout à fait faux, même si c'est réel. Ah oui, regardez, il le sait, l'entraîneur, il le sait qu'il est humilié tactiquement. Touche. Ah, ça joue. Et Lille est content de retrouver, tu vois, un terrain bien sympa, bien plat, où tu peux, la pelouse est bonne, l'espace est vaste, ouais. Tu développes ton jeu fait de cavalcade et tout. Tandis Lille. Que les autres Brels, ouais. Là, regardez. Bon. Relance de Lille, ouais, Lille aux gens fans. Ah oui. Hein, t'es tous fans de foot. Jacques, il l'a cherché depuis un petit moment, il l'a trouvé. Lille aux gens fans. Lille est en train de faire quelque chose de magnifique. Lille est en train de nous emballer tout simplement très ce très match. Beau, mais très, oui, très de nous le rendre agréable. Oui, bravo Lille. Moi, il mène à zéro, donc c'est justice. Ouais. Il joue un jeu collector, même, on pourrait dire. Hein. Ah oui. Un jeu collector. Ouais, c'est un peu PlayStation. Ah ouais, c'est vrai. Un jeu sans ancienne, vouloir faire de publicité. Classe Hic. Attention, Jacques. Hein. Attention, avec Marseille, bien évidemment, on se sent humilié, donc Marseille essaye de jouer de la même manière. Mais Marseille ne sait pas le faire. C'est là qu'il y a toute la différence, voyez-vous. Voilà, enfin, alors ils se cacatapultent dessus, voyons, et on cherche Marlon Brando quand on touche pas une, et ça va être l'enfer. Tout le rock progressif allemand des années 70. Ah, bien sûr, avec Sturm des Jeunes en Breton. Merci, Jackie. Je vois que vous participez partout à l'avancée culturelle de l'Europe. C'est surtout dur à prononcer quand même. Le ballon est dans les pieds de l'OM. Donc Jacques, finalement tu m'as pas dit ce que tu dirais à tes joueurs. Pronostic. D'accord, c'est ton seul mot. La la la la la la. Je vais te demander le chiffre sur cette musique douce. Je pense qu'il doit être doux lui aussi. Vous voulez un chiffre 4. 4. Ah bah écoutez, c'est la surprise, c'est la divine surprise. 4 avec peut-être un parmi vous qui enverra un petit message. Le ballon récupéré par John Vitter pour Lille. Ah oui, oh là là. Et Lille s'approche avec fulgurance de la surface de réparation marseillaise qui n'est pas à l'aise. Oh, puis en plus, qui relance n'importe comment. Ils sont, mal, ils sont paumés, ils sont paumés les Olympiens. Faut la rentrer faire papin. Ah, que c'est la leçon. C'est la leçon de football. Ballon qui tourne, qui revient, qui repart, qui centre, qui re-centre, qui toujours partenaire pour aider celui-ci, qui récupère dans les contacts, qui se fait faire mal, bobo, cheville, cassé, ouais. Jambe, aïe. Ouais. Ah, il a tout pété. Tout de suite, nos amis du SAMU, sûrement. Le docteur Maléol est demandé, le docteur Maléol est demandé sur la pelouse, s'il vous plaît. Oh, le jeune arbitre. Joueurs, et puis l'arbitre, n'oublions pas que... Oh oui, oh là. C'est vrai que là... Oh là, effectivement, il lui a tout pété. Ouais, c'est bloc à part. Et rappelons que l'arbitre, Jacques, c'est un petit peu dur pour lui quand même. Une première en Ligue 1 à Marseille. Dans un match avec l'enjeu important. Sous canal. Ok, hop, et voilà. Voilà le carton par Jean-Pierre Ayou. Ouais. Récupération, ouh là là, Jean-Louis, il y a un saint sur la pelouse. Regarde, il y a un saint sur la pelouse. Dieu est entré sur la pelouse, c'est magnifique. Que se passe-t-il? C'est l'illuminé, donc, sûrement. Dont on parlait, avant, est-ce que c'est un fromage? Oh là là. Du pot, un fromage, non? Qu'est-ce que c'est? Ça y est, c'est David Vincent. Frappe de David Vincent, nous montre le raccourci qu'il cherchait. Et il l'a enfin trouvé. Magnifiques images avec la croix verte. C'est pour les chiottes, non? Ah merci ouais, monsieur d'avoir. Jeu. Oh là là. Il y a des images que tu peux éviter de remontrer, Jean-Louis, ce sera sympathique. Et bien 1-0, hein, toujours pour Lille, je dis ça pour ceux qui viendraient à nous rejoindre. Time shift à quoi, 25-26 minutes de jeu, quelque chose comme ça. Tout va bien ici sur la pelouse du stade de Vélodrome avec une petite musique derrière qui se plaît à elle-même. Qui ne dénote pas hein, sur ce match relativement bien rythmé, qui monte en puissance tranquille, tandis que nos amis Lillois mènent 1-0 en at the Vélodrome, at the Championnat de France, at the Direct, at the Radio Sportaz Homme 713. Apparemment, ça marche. Ouais. Et ben nous relancer tranquillement par le Lille System, le Lille Albi System qui récupère tranquillement les basses maintenant et qui peut repartir. Marseille d'ailleurs va obliger Lille à jouer n'importe comment, tu vois, c'est la seule chance qu'ils aient de les battre. C'est en faisant n'importe quoi sur la pelouse et en gros en mettant le bazar pour éviter hasard. Le ballon relancé par les Olympiques. Avec l'OM est merveilleuse. Oui, pas vraiment, hein, pas vraiment. Regarde le score, regarde la physionomie de ce match, regarde mon corps, chéri. Merci, Jackie. Il est en pleine campagne, hein, Jackie. Mais vraiment en pleine campagne. Le ballon est remonté par Marseille. Ah, la terrible faute signalata par monsieur N1. qui va là, qui... Ah oulala, il l'expulse, non. Carton jaune. Non, non. Carton jaune, mais ouais. Juste un jaune. Avertissement pour le joueur lillois qui s'en fout de toute façon. D'ailleurs, ici, d'ailleurs, on va prouver tout ça. Ouais, on va partir, on va faire le soir. C'est avec un la la la la la la la et 1 et 2 et 3 et 4. Ouais, enfin, il y en a au moins 4 qui sont annoncés des buts dans cette partie. Hein, suivant le cumul d'un but qu'on vient de recevoir, la cartographie. Oui, la lecture des nuages, hein, désormais, vous le savez, le strato cumul but, bien évidemment, et surtout le cumul d'un but, le nuage à but. C'est comme le cumul on a vu, le parapute aussi, non ? Attention à Patator. Ah oui, Patator. Alors, c'est l'eau caliente. Hein. Oui, Patator, ça va dire. Dis Patator. Et t'as pas tort, d'ailleurs. Attention, Patator, t'as pas tort. C'est parti. Et oui, oui, oh. Il se fait respecter, alors. Oui, oui, il a raison, parce que là, les joueurs essaient de commencer de à l'embrouiller. Ouais. Hein, ouais, de grignoter sur son autorité, Jacques. C'est pas l'heure. Oh, le petit coup de pied, Patator, on sépare le mur, c'est relancé. Là, c'était un peu pomme dauphine, Patator. On était à 30-35 mètres, hein, pour ceux qui n'ont pas les images de la cage lilloise, et on relance avec Loubaï. Derrière, ça relance tout seul. On peut arrêter peut-être, on va voir arrêter un peu cette musique qui m'a foutu le cœur en palpitation. Je me demande s'il ne faut pas appeler le docteur. Le maillot, c'est le docteur. Oh, trop long. Quel dommage. Une fois de plus, Lille attaquait à 3-4. Ils sont charmants à voir jouer. Ils sont chatoyants. C'est super. Oui, c'est ce que je dis. Ah, c'est à moi le pognon qui est tombé, hein, Jacques. Attention. C'était incroyable. À la 10e minute de jeu, pas. Non, il parle pas tout ça maintenant. Alors reprenez, s'il vous plaît, et essayez de mettre les phrases dans l'ordre. Ah, à vous. D'accord, j'ai compris. Il est parti. Il y a comme ça des rendez-vous manqués. Parfois dans la vie. Mais ce n'est pas le cas de Lille ce soir. Non, Lille se tient parfaitement. Il y avait un gros bat. Hein. Qui soutient la comparaison, ouais. Qui tient son rang, qui est là où on l'attend. Attention, attention, si cette formation sort de ce match conquérante, alors que Jacques a du vent dans les micros, peut-être qu'elle pourra aller. Petit tremblement de terre aussi, dans le micro. Il y a des tremblements de... Merci. Avec beaucoup de titulaires hein, sur cette pelouse. Et ce qui est fou, c'est que Jacques a raison, alors qu'il n'en sait rien du tout. C'est ça aussi la beauté de ses commentaires. Pris dans le vif. C'est ça, être journaliste sportif. C'est pouvoir surfer toute l'année. Bien évidemment. Le ballon est récupéré par Marseille, mais sans grand danger. Marseille se met tout simplement en situation difficile. Comme ici, il suffit d'aller un petit peu taquiner le gardien, l'obliger à relancer. Voilà qui est fait. Marseille toujours mené, Marseille dans la bouillabaisse. Ouais. Et Lille qui hausse les fesses un peu. On a vu, hein, les dogs sont particulièrement hot. Ouais. Oui. Les supporters lillois, bien sûr. Oui. On ouvre l'appétit quand vous dites ça. Hein. Je ont tout pas de même été un grand supporter responsable. Hein, quand inventé la première charte, autant que je sache, en France, un charte supporter. Il le bouscule de tous les côtés. Il a pu donner tout de même avec Massakoun. Massakoun. Et pas gros. Mais c'est pas vrai. Troisième occasion franche pour creuser le score. C'est magnifique. Il se fait bastonner de tous les côtés. Il réussit encore à donner le ballon. Celui-ci contrôle. Il peut ouvrir la barre. Maintenant, il tire au-dessus. Quel dommage. Oh, quel putain de sacré bordel de merde. Lille au-dessus. Et qui obtient ce corner que va jouer. Au-dessus à tous les niveaux, Lille. Au-dessus, là, juste sur le tir précédent, en tout cas. Ah non, pas que. Non, à tous les niveaux, dans le jeu, dans tout. Lille est bien. Et Lille devrait remarquer maintenant, d'ailleurs. 31 minutes de jeu, time shift, ta mère. Le ballon est bien joué. Oh, il revient dans les pieds. Il tatane sa mère. Attention avec ce tir, peut-être, qui va arriver de Lavillény. Ah là, c'est quoi, c'est... D'où? Oh, mais la vilainie que tu as dit. Il s'est passé quelque chose hein, sur la pelouse. Il devait y avoir certainement un hors-jeu, le cancer du football, le hors-jeu comme l'a mêlé le cancer du rugby. C'est juste l'attaquant lillois, un saut qui a fait de la perche. Merci de cette précision, Jacques. Ballon bien récupéré par l'OM, même l'OM qui se sent morveux, l'OM qui a la cagade dans le short, Moem, non. Ça sent la triplette. Hein. La quoi ? La triplette. C'est-à-dire la triple défaite, l'humiliation du début jusqu'à la fin avec au moins 3 buts d'écart. Non, déconne pas, Jacques, fais pas, commence pas à vendre les trucs, t'es fou malheureusement, pas, non. Les gens savent où on est, hein. Attention à ce ballon jaune, hein, ce ballon jaune un peu bizarre, salement décoré, dirais-je. Et qui pourrait bien finir au fond des filets du portier lillois. C'est-à-dire qu'il est jaune et qu'il ressemble à une étoile, c'est très bizarre, effectivement. Une étoile ronde, Jacques, vous délirez, mon pauvre ami, attention, avec Partouche. Ah oui, oui, oh, mais c'est encore contré magnifiquement par le mur lillois, et là, l'André, il a fait n'importe quoi. Ouais, ouais, enfin, je fais référence à ça, étoile jaune, tout ça, mais enfin, on est à l'extérieur, on est dehors, et qui dit or Non, ouais. Ah ouais, celle-ci elle est menée de qualité en Galliano. Ouais. Alors récupéré par Mandanda, il y a un orage dehors, je sais pas. C'est chez vrai, vous, mais il y a ici là. Il va nous tomber dessus, tu vois. Le principe de prudence, parce que ça peut être à double tranchant et donc il faut vraiment bien l'orage sonore. Faut se protéger les gars, c'est parti avec l'OM. L'OM. Marius, Panus. Panis, pardon. Paniste. Oh la mauvaise balle, ah la mauvaise transmission. Je pense qu'ils sont les joueurs marseillais sont pas complexés mais presque là, ouais. Devant la qualité de jeu lillois. Il est pas hors jeu, il peut la prendre, la santé, la balle. Non mais comment vous pouvez, non tu savates tout le boulot coco là. Mais il y avait du monde au centre-ville prêt à faire ce qu'il faut. Il va faire les achats bien évidemment. On va voir ça, mais là, ils étaient à la rue une fois de plus, les défenseurs marseillais. C'est fou ce qui se passe. Et je peux vous dire qu'ici, dans la tribune où je me trouve, c'est-à-dire chez Marcel, eh bien, ça n'est pas joyeux, joyeux. Combien de temps? 5 heures. 34 et 5 secondes. 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes. Vous écoutez le programme pendulaire de Radio France Sportage. Merci. Tu as réveillé les oiseaux, t'as gagné. Ballon récupéré par l'OM, l'OM de Jean-Pierre, l'OM de Chris, l'OM de Robert, et l'OM qui perd. Et Lille est fort, Lille est magnifique, Lille est immense. Lille n'a où elle est passée? De quel côté? Par là. Du calme. Le ballon, on sait plus où il est, effectivement, dans le rond central, récupéré par Lilou. Lilou pour Lali. Lélé. Lali 1. Lulu. Lala Lolo maintenant. Cherche Lélé. Lalu, vous la citez, Lalu. Lala. Lala. Lalu. Lalo. Oh oui, la gol, bientôt gol. Sorte. Il va y avoir bientôt un but. Hein. Partez pas pisser, ne partez pas chercher le chocolat, n'allez pas rouler, c'est pas le moment, il va y avoir un but. Il va y avoir du but. Maintenant, là, dans quelques instants. Oui, ça y est, nous avons l'information. L'information météorobut. La précipitation est imminente. Oh oui. Et ce sera un corner, me semble-t-il, pour la formation lilloise. Lille qui pousse une fois de plus. Lille qui est finalement le maître sur la pelouse. Fort Lille, hein. Tout simplement. On ne va pas raconter n'importe quoi. Lille est maître sur la pelouse sans aucun problème. Je vous dis, madame, Lille. Il se lance dans ce corner avec de grands espoirs, de lourds espoirs, voire une belle tête et un tir en déviation. Ouais, tu veux pas aussi. Oui, c'est vraiment déjà sorti avant d'être rentré. Ça, c'est pas très bien joué, Coco. C'est pas très intelligemment fait de la part du tireur de corner qui est un sacré connard. Dégagement, mandanda d'arrêt international. On entend parler depuis combien de temps? Depuis à peu près 4 ou 5 ans. Oui, le mandat a été lancé il y a 4-5 ans. Merci Jean-Louis pour toutes ces apparitions, mais elles ne sont que furtives. L'essentiel étant le but, le goal, celui qu'on va remontrer demain, s'il est beau, s'il est fort, s'il est de qualité, s'il est technique, s'il est professionnel, s'il est rémunérant. Rémunérant, c'est du coup enlever tout le reste avant, Jacques, c'est le mot qu'il faut dire juste à la fin. Bravo. Un deuxième but qui arrive. Voilà. C'est pas à réclamer, là, tous à réclamer, nous allons aller chercher du public. C'est une manœuvre délicate dans Radio Sportage, aller chercher du public, il faut le convaincre de venir, de participer à l'émission, c'est pas facile, il n'est pas payé ce public, mais il revient, écoutez-le, il est là, vous pouvez applaudir le public, et qui applaudit le public. Merci public d'être revenu aussi remonté, contrairement au Marseille, y compris de ta joie avec ce premier but. fort normal, je dirais, par ces Lillois, qui ont eu d'autres occasions de temps, qui auraient pu emporter un deuxième. Mais qui n'ont aucun 0. Attention, ne montez pas, Les mobiles, cette nouvelle génération d'applications dans... Non, vous n'avez pas vu le geste technique de Jacques, et il est absolument magnifique. Ah, tout cet éclat de rire. Mais c'est vrai, arrêtez, ne montez pas. Les applications. Je te nique phone, moi. Et on a aussi également un pôle d'activité. Mais arrêtez. Lille à l'attaque avec Rubex. Rubex. Horse Rubex. Fantastique, avance. Oh, attention à cette petite balle. Vicelard des sales comme je les aime. Qui aurait pu foutre en l'air toute la dernière garde marseillaise qui fait un peu n'importe quoi. Ne montez pas. J'ai l'impression que plus tu leur dis de pas monter, plus ils montent. Oulala, mais déjà on prépare du changement. Alright. 1-0 pour les îles. C'est le nord. Ici à Marseille. Ils sont tapés le sud. 1-0. Profitez justement de ce fameux temps de cerveau disponible. Sportas 713. Always. Direct. On radio. 6 mars 2011. Sportas. Et ça va pas, hein? Où ça va pas? Tu parles récupérer. Nous allons récupérer. Ah, j'ai peur. On va récupérer. Ces Marseillais me font très mal. Même si là, ils ont un les peu. Les Irlandais se placent sur la pelouse. On les voit, tous ces verts là qui s'empilent sur la pelouse pour qu'on voie bien que c'est une pelouse verte. Oh non, comme il avait anticipé la passe à rentrer, il met dans le bouleversement central le joueur défenseur. Voyez-vous, j'analyse ce qu'est le football psychologiquement, émotivement. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, un petit peu le niveau est psychologiquement collectif, hein, si je puis dire. Hein. Chacun s'appuie sur l'un, sur l'autre, et là, actuellement, les Marseillais ne peuvent s'appuyer sur personne. Je croyais que c'était chacal pour soi. Je suis trompé de sport. Attention à cette petite offensive, mais le ballon est long, le défenseur est bon. Et ce sera une touche au bénéfice, tout simplement. Ah. Les Marseillais. Ouais, Marseillais, non ouais. Oui, non. Jean-Louis, écarte un peu, Jean-Louis. Écarte Jean-Louis, s'il te plaît. Oh, il semblerait qu'il y ait finalement dans ce groupe des spécimens très intéressants. Non, on va savoir en ralenti, que s'est-il passé? Ah oui, effectivement. Jean-Louis et Rémi qui s'est fait prendre le portefeuille dans la chaussette. Un rasage de près, là. Hein. Ah oui, c'est un petit peu regrettable. Trop près. Ah oui, trop près, regarde, il en souffre quand même, ça pique à la joue. Et c'est pas très agréable avec une magnifique coupe, là, de Landry qui a tout mis sur le côté. Attention, attention, c'est bon. Santander qui récupère ce ballon. Oh non, non, c'est pas goal. Mais pourquoi corner, ou quoi? Comment ça se fait qu'on ait eu un son sympathique d'un coup là? Ah bon? Non, je sais pas. J'ai pas entendu moi. Ah, on change de match, hein, je vous préviens, change de match. Nous allons voir Raging Santander et Madrid. Déjà 2-0 pour le Real de Madrid. Le match de secours, au secours. On voit cette action ralentie pendant ce temps-là sur Anal Plus. Jacques. Non mais bon, vaut mieux que le match de secours, Jacques, soit de bonne qualité, on ne sait jamais si celui-ci pète. Anal Plus a fait son trou quand même en matière de télévision depuis quelques années. Oui. Merci pour cette petite information que je répertorierai bien évidemment avec le ballon remonté par les Lillois. Et finalement c'est Marseille qui oui, avec Bonnemère. Bonnemère qui, hein, qui recherche bon fils. Qui joue à Paris, hein, Bonnemère, Jacques. Bon tonton, ah bon tonton, il est tombé, il est revenu, il en a le ballon cousu, et là, ouais, il a raison, il s'inquiète, l'entraîneur marseillais s'est dit, mais comment diguer, ce qui se passe là, tu vois. Force lilloise, sereine, hein, tout de même, technique, bien assise, bien en place. Ouais, jamais en perdition, aucune fébrilité dans la défense, les relances sont parfaites, j'appelle toutes les voitures, transmission immédiate, merci. Après cette action, hein, nous irons voir si le jingle vit. Nous allons voir ça tout de suite. Hein. Ah bon, pratiquement, suite, non, mais pratiquement tout de suite. Oh, c'est, tout de suite, c'est ça. Action, là, parce qu'il ne passe pas grand-chose non plus. Mais oui, transmettre, mais on ne veut pas imposer sur les jeunes. Ils ont leur propre vision. Ils ont une vision différente, peut-être. C'est bien quand on voit quelqu'un qui est un peu différent. différent, tout à fait d'accord, puisque c'est très exactement ce que nous venons de voir avec vous. Sportos, ce sont les sportifs qui en parlent le mieux. Retour ici au Vélodrome, parce que ce soir, c'en est un véritable qui se vit sur la pelouse de ce magnifique stade qui a été conçu, je vous rappelle, sous oui. Jean-Pierre et avec Francis. Sur et Martin. Oui. Lille, Kata qui tire à mettre Lille, un deuxième. La surface de réparation de l'OM, on ne se dégage pas du tout. C'est dommage qu'il vendange autant de possibilités, ces pauvres Lillois, avec Jean-Pierre Payou. Bayou. Récupérade en touche pour l'OM qui veut accélérer cette partie. Ils sont bien qu'avant la mi-temps, là, dans quelques minutes, il serait bon d'égaliser malgré le manque d'action dangereuse pour ces Olympiens. Rien du tout, ils ne méritent pas du tout d'aller égaliser, Jacques. Je suis désolé, je ne veux pas être anti-Marseille ce soir, mais là, sur le coup, quand même, ils prennent une petite leçon de foot dans tous les sens du terme. Va me chercher, Merguez, va. C'est bon, la mi-temps. L'application, vous avez fini derrière, tout le monde essaye de pénétrer, bien évidemment, avant la mi-temps, vous le savez. Chacun essaye d'avoir sa petite minute de sympathie et de gloire, de micro, de parole. Et là, le joueur lillois s'est enflammé un peu et a perdu la balle sur une musique qui a été composée spécialement pour ce soir, qu'on écoute un petit peu. Ah, le public aime ça, effectivement. Ces grandes envolées. 36-15, des gens service volés. Davis. Des gens volés. Marlon Brando, Kieran, met la touche maintenant, c'est vrai que ça me moustille le guibol avec super attention Roman. Attention à l'arrivée de l'ami-temps, c'est l'ami de tous les instants, surtout des joueurs fatigués en première période, ceux qui ont tellement donné avec tout leur cœur, leur âme, leur crampon, leur sueur. Tu l'as dans l'osque. Apparemment, ça ne marcherait plus. De nouveau. Avec peut-être le deuxième but lillois. Oh non, que parade, Mandanda International. On était en train de regarder ce qui se passait. On a un petit souci. Est-ce qu'on est encore à l'antenne? On ne le sait pas. Et pendant ce temps-là, il a failli marquer un deuxième but. Incroyable parade de Mandanda International. Et ça reprend sur la pelouse. Avec Lille qui continue de faire peur en Marseille. Lille qui humilie l'Olympique ici. Même s'il y a 15-0 dans le jeu, il pourrait y avoir 4-5-0. Ici en direct du Vélodrome. Où nous nous trouvons ce soir exceptionnellement en direct avec des amis venus voir le canard. Ah, ça va parfaitement. Eh oui. On voit ce qui se passe sur cette mauvaise inspiration de Ketchup Pines. Et la belle parade. Belle parade de Steve Mandanda et international. Visiblement, ça ne marcherait pas. Bon, on termine la mi-temps. On va regarder ça techniquement. Ça a l'air de laguer un peu, bugger un peu, voire beaucoup. On doit pouvoir réparer ça pour la mi-temps. Yes, it is. With Brando. Brando. Para Masiriaga, vraiment plein de problèmes dans la tête para contrario, cette équipe lilloise qui lui fait mal partout, aux reins, aux fesses, aux pieds, aux jambes. Et intervention immédiate, sinon il y a une contre-attaque, intervention pour signaler mi-temps ici au stade au Vélodrome. Marseille est mené 1-0 par Lille. Oh putain! Là le titre colle le PRS. Sport à 713, bien qu'on soit dans les fraises, on va aller voir s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Un quelqu'un? Oui, on a un problème de technique, ça nous aimons ça. C'est attention. I love problem techniques. I love problem techniques. De l'écouter. I love problem techniques. Problem techniques. bon, je pense qu'on balance moi sur Moussa. Et... Samoussa, Samoussa, Samoussa. Les problèmes techniques. On peut pas tout faire, les gars. On peut pas réparer et swinguer en même temps. On se retrouve dans quelques instants. On va pas trop savoir les gérer dans la première partie du championnat. Eh oui, la suite tout de suite. 湾岸戦争症候群の症状に湾岸には行ってない。分かった。なら、おかしくなったのはいつからだ。夕べのことがあってからだ。 It's me, your old friend. And once again, it's time for music. In a moment, you'll hear music. Let's make music. Let the music begin. We're making music. Hey, everybody. Let's play music. Let the music begin. Hello. Hello. Hello. Hi. Hello, boys and girls. Hi, boys and girls. Welcome. Hello. I'm 41. Hello. Buenos dias. I'm 41. Guten Tag. I'm 41. Greetings. My name is Bud. 41. There's no other like me. Hello. Well, hello there. Hello. Well, hello there. Hi. Hi, everybody. This is Barbie. Welcome to my dance party. When you finish listening, talk about it. Upon completion, please listen again. Remember, it might be necessary for you to listen more than once. It's really lots of fun. It's really lots of fun. Hey, kids, come over here. It's really lots of fun. Hurry up now. Don't be shy. The party's just begun. You know who I am? You don't? Well, I just happen to be very famous. Okay, everybody ready? Let the party begin. Come on in. Take it easy. Just relax. Our aim is to have a good time and to really enjoy our show with music and stories and games. All especially prepared just for you. Would you like to take a trip? Take a wonderful trip. Well, it lets you get going. Radio Sportaz. Leader international. Est-ce que quelqu'un peut vérifier si nous sommes en direct? Pas vous. Je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de buts. René, on a plus de fréquence. Banque conditions. Oh. Upsor.com. Ouverture le dimanche 13 mars selon autorisation. Visiblement, on l'est pas. On n'est pas autorisé à faire ce match, Jean-Louis, tu me confirmes. Parce que là, je pédadale. Alors, j'arrive. On devait pas y être et il semblerait qu'on y soit. C'est quoi ce bordel là ? On y soit, qui mal y pince. Et là, actuellement. Non, Jean-Louis, oh là, il y a un petit gros là sur la droite quand même. Je ne sais pas s'il fait du sport tous les jours, mais. Lui il a dit on vous fait quelques-unes quand même. Ah c'est une. Ah ben dis donc. Bon alors, est-ce qu'on y est dans ce match ou est-ce qu'on y est pas? Parce que j'aimerais savoir si on y est. Nous, on est nié, ouais. Ça on est nié en ce moment. Je vous le confirme dans quelques instants, le décrochage, le time shift juste derrière. Jean-Louis, tu me recadres tout. On est peut-être déjà en direct. Hein. On attend le signal hein, de Jean-Louis, tranquille, comme d'habitude. Juste que j'allais voir un peu le son de l'autre côté quand même. Ouais. Ça m'a l'air un peu plus puissant que d'habitude. Méfions-nous quand même que ça ne crachote pas chez l'auditeur. Bon, alors pour ceux qui essaient de suivre le calendrier Sportaz, j'avoue que c'est un petit peu délicat. Et si vous nous entendez ce soir, soit vous êtes vraiment assidus, soit vraiment vous êtes perspicaces. Parce qu'effectivement, nous avions annoncé il y a 2 jours que nous ne ferions pas ce match. Et finalement, nous y sommes. Il faut dire qu'un concours de circonstances magnifique. Étude du foot, quoi. Nous a permis de nous retrouver ici ce soir, en ce mardi 8 mars 2011. Règle-toi, Jean-Loup. Voilà, je pense qu'on est en direct, hein, mais nous vérifierons ça dès que le lancement officiel de ce match, donc le time shift, aura commencé en quelques instants. Sportaz 714, The Sold. Encore ? Oui, on prolonge, de toute façon. Qui va nous arrêter à ce rythme-là ? Les jours supplémentaires, hein ? On vous fait les jours supplémentaires. Qui va nous arrêter ? Tout de suite à toi, Jean-Louis. Déjà ? Jean-Louis n'a jamais rien dit dans 714 émissions. C'est pas maintenant qu'il va commencer. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Non, madame, mademoiselle, oui, mais monsieur, non. Ah, pas ce soir. Non, c'est vrai. Madame, mademoiselle, madame, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle retransmission, cette nouvelle multidiffusion de Sportaz. Pour un week-end de finale, Sportaz patate. Ce soir, nous avons eu la pizza au Hard Rock la semaine dernière. Ce soir, Sportaz patate. Voilà. On est allé bouffer. Du coup, ça a ouvert l'appétit du public qui s'est barré. Le resto doit être plein. On va tout de suite remédier à cela et faire revenir, bien évidemment, le public. Un 8ème de finale de Champions League sans public, ça ne s'est jamais vu. Et pourtant, il semblerait que ça perdure un peu. Ça continue. Mais attention, public. Public, es-tu là ? Public, tu es loin. Tu es loin, public, tu es loin, tu es là. Barça. Arsenal. Barça. C'est le match retour, you know, ça veut dire qu'il y a eu un match aller, on peut se rappeler le score. 2-1 pour Arsenal. Autant dire qu'il y a juste un écart entre les 12 équipes. 2-1 pour Arsenal. Autant dire que c'est le suspense que ça respire. 8ème de finale retour. Barcelone Arsenal. Spark de l'amour. 8ème de finale, retour. Plein lucarne, plein de foot. Cérémonial protocolaire, bien évidemment, vous savez ce que c'est. Alors, on salue tout ça, on serre la pogne, on discute un peu, et puis après, ça va commencer. Par contre, on a complètement négligé Jacques, je dois le dire, et j'en suis confus auprès de nos auditeurs. Le trio arbitral. Oh, monsieur, time shift. Hein? Bah, attendez. Écoutez, oui, c'est vrai que bon, finalement, pourquoi pas. On va se jeûner, hein, alors. Donc, nous ne mangerons pas ce soir. Merci, Jean-Pierre. Nous ne mangerons pas ce soir. Exceptionnellement, c'est un Sportaz sans anabolisant, sans nourriture, sans eau, sans pain, sans rien du tout. Que du sang ce soir. C'est Sportaz 700 pi 14-3. Ah, oui. Comme ça. Un truc, t'étais pas loin, Coco. Ouais. T'étais pas loin. Mais t'en connais un rayon. Eh bien, évidemment, on se serre les mains. Alors attention, il n'y a pas Quito Sanchez et la Fuega d'un côté, quand même. De l'autre, John Van Peter, 26 fois Percy, le concept. Enfin, vous avez compris, il y a quand même tout un tas d'informations qui viendront ce soir parmi vous, madame, mademoiselle, madame. Barça, Arsenal, ce soir, direct. 8ème de finale. 8 mars 2011. Barça, Arsenal. Direct. 8ème de finale. Sporters 714. Barça Arsenal. Marc-Strasse va être. 8ème de finale. Regarde. Barça Arsenal. Woo. Yep, c'est sur Ghana. Ouais, on tout à fêté. Bravo, messieurs. Excellent travail. Ah, je vous félicite. Ouais, tout à pété, hein, ce petit morceau était sympathique, mais si vous allez pas me faire tout le match en chantant là, hein, parce que il sinon... Il a pas commencé le match, on peut chanter, oui, justement, vrai, attention. Avec, attention. à double balle, ouais. Je vais passer, mais rapidement. Moi, c'est Georges Habitbol que j'ai. pour ceux qui ont double balle, quand même, c'est Jacques, même si c'est la journée de la femme, je vois pas tout à fait où tu veux en venir. Voilà, avec Nasserise sur le gâteau. Aline Nasserise, hein, parce qu'elles auront tous des prénoms. Oui, sur le bateau hein, ce soir. Des joueuses très féminines ouais. Ce soir. Ouais, on voit cette coupe qui a été faite chez Chantal Joanneau. Lady Lionel, hein, on a vu Lady Lionel, oui, chez Chantal Joanneau, qui est habillée ce soir exceptionnellement. Par Jean, non pas Galliano. Je crois pas. Non. Peut-être par Jacques Chirac, hein, qui finalement, bon. Oui. D'accord, oui, à... oui, qui a signé un contrat au FC, j'en peux plus. Au FC, je démissionne. Mais en tous les. Oui, en fait, il a fait. Time shift, là. Attendez, time poussez-vous. Shift, madame, poussez-vous. Time shift, après. Poussez-vous, madame, laissez-moi passer. On ne laisse plus travailler comme avant. Ah, hein. C'est vrai, ce studio se remplit. C'est quand même étonnant. Alors ça a commencé, hein, le match en avait, laisse-le tranquille un peu. Ce match a commencé donc entre le Barça et Arsenal. Alors ouais. Jacques, il faut être quand même attentif. Ce sont deux équipes joueuses. Ah. Je me dis d'être attentif. Ouais, non, mais c'est le mot clé. Je t'ai pas dit. Ah bon, d'accord. C'est vrai. Non, en reprenant la musique. Non, en reprenant la musique tout à l'heure, c'est vrai que nous étions revenus dans le cadre d'un stade de football et pas de la chambre à François qui s'en met tous les soirs plein partout. Alors, ballon dans les pieds de Warcha. Avec donc Ginette Messi. Oui, Ginette Messi. Non, c'est pas Ginette Messi qui a été bousculée là, non. C'est Nadine Xavi ah ouais. Qui a été prise par Françoise Clichy, donc ça va être difficile. Ils se connaissent hein, pour quelques-unes, on les voit, hein, les Françaises, hein, très, très en vue. Oui, oh, il ne la touche pas, Ginette Xavi a eu le temps de sauter pour éviter bien évidemment le coup de tatane fatal. Donc time shift, 1 minute 10 secondes, ouais. 11 secondes, 12 secondes, on va quand même rappeler ouais, Jacques, le concept du time shift. Time shift, ouais, le concept, vous êtes sur ADSL essentiellement. Je ne vois pas d'autres possibilités. Et vous pouvez effectivement sur la DSL, directement sur votre box, faire un time shift, mettre la pause de l'image en attendant que nous donnions le chronomètre, comme maintenant, 1 minute et 30. Oui, ça sert surtout. Ça vous sert surtout à vous recaler avec l'image et le son, tout simplement. Merci Jacques. Merci Jacques pour cette démonstration magistrale. Allons dans les pieds du Barça. Barça qui est de toute façon pour l'instant qualifié, Jacques. Non, éliminé. Le Barça est éliminé pour l'instant puisqu'ils ont perdu le match aller, hein, c'est ça. En plus. Attends, je vais demander à madame. Madame. C'est ça le Barça. Attention à ce contre de l'Arsenal hein, qui est bien pourvu. On le voit avec Nadine Cerise sur le gâteau. Nadine Cerise qui ne passe, enfin qui était passée, mais visiblement il y avait quelque chose de sifflé par monsieur, hein, c'est le seul hein, ce soir donc à être monsieur sur la pelouse, c'est monsieur Time Shift. On n'a pas forcé sur le nom là, j'avoue que là on a manqué, on a manqué un petit peu de férocité sur et d'imagination poétique je dirais sur le nom de cet arbitre et son statut puisqu'il est amateur, je vous le rappelle, de vivisection et d'escargot. Soyons attentifs. Ballon récupéré par le Barça. Alors pourquoi dit-on bien évidemment le Barça, Jacques, ce sera ma... L'imagination poétique, je dirais, sur le nom de cet arbitre et son statut, puisqu'il est amateur, je vous le rappelle, de vivisection d'escargot. Soyons attentifs. La qualité du son. Alors c'est correct pour correct, l'instant. Hein, bon, on va dire ça. Pour l'instant, nous n'avons pas de. On va voir. Si oui. Du message, on ne sait jamais. Du message, oui. Mais c'est pas grave. Du contrôleur technique, hein, uniquement, bien évidemment. De toute façon, c'est un match qui finira en petite tranche, hein, un petit peu comme l'industrie alimentaire hein, qui nous coupe. Qui nous nourrit surtout. Qui en nous ce nourrit moment. En petite coupe. Oh, le petit ballon en profondeur, il n'y a pas d'Orgeo. Il n'y a pas d'Orgeo Frapp. Mais beau contre. Hein, très belle défense d'Arsenal qui joue dans un superbe maillot jaune qui me rappelle, Jacques, je dois le dire, le bouton d'or lorsqu'il pousse et qu'il éclot. On pense à un Durin, mais. Oh, toujours dans le sport, toi. Quelqu'un du Rhin. Ça peut être tout Rhin, même. Non, parce qu'en ce moment, il faut se méfier. J'ai l'impression qu'il y a comme un retour à une certaine idée de l'Europe vue sous l'angle allemand. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est des sondages un peu bizarres. Hein. On a l'impression que la petite moustache carrée sous le nez et la mèche et la casquette de général pourrait revenir. Fais attention, on en a trouvé une par terre de casquette. Oui, mais ça, c'est faut pas le général. Faut pas lire. Oh non, ça, ça va. Pendant ce temps sur la pelouse, ça se chahute un peu entre Yvonne Messi. Beaucoup réfléchi, hein, ce qui va se passer en France, peut-être va-t-il falloir quitter la France ou pas. Mais moi, je dois le dire, hein, je n'ai jamais été que dans des pays qui ont accueilli des anciens nazis, donc je peux le dire. Peut-être que je vais pouvoir rester en France, sait-on jamais, suivant le passeport que j'ai. Ouais, déjà commencer par en avoir, hein, ce sera pas mal. J'en ai surtout, plus que ça d'ailleurs. Attention à ce ballon qui est récupéré par les joueurs du FC Barcelone qui appliquent leur tactique traditionnelle, c'est-à-dire, vous savez, comme l'écureuil quand il chope vous comprenez, la noisette, il la garde, il la tient, il ne la revoit plus. Et bien, c'est un petit peu ce que fait le Barça avec la noisette qui n'est autre que le ballon. A noter que nous sommes sponsorisés par Big Jim, hein, Big Jim qui nous envoie encore de multiples sons que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Premier son, Jim. Salut Jim. Merci à toi, merci de nous envoyer tous ces sons, Jim. J2EM. Du bon son près de chez toi. T'as de la chance, on n'envoie pas ton adresse IP. Attention, Arsenal qui a... Oui, enfin, le ballon était dangereux, mais il n'y avait pas de joueur avec. Oui, c'est ça, bien, c'est regrettable. On écoute un petit peu, voyons, vite fait. Hey, ho. Il nous avait prévu pour un match au Japon, peut-être. Ballon remonté tranquillement par Arsenal avec elle. Il y a Lady Lionel. Lady Lionel qui transmet tranquillement maintenant pour Paquita Ramirez. Paquito. Marina maintenant. Marina pour la Lady Lionel. Oh. Que c'est le corner. Toujours 0-0 dans ce 8e de finale en direct ce soir 8 mars 2011. Sporta 714 à la vôtre. Oui, tu peux dire à la vôtre comme ça, mais je ne sais pas à qui tu t'adresses. Et je te demanderai tout à l'heure, bien évidemment, le chiffre officiel hein, pour ce match avec Arsenal qui est en pleine Bérésina, qui défend... Il décompose l'image 25 fois par seconde. Ouais, vas-y, continuez. Ah, 25 fois par seconde. Essayez de nous donner des chiffres. Ah bien, on nous en a donné, oui. Alors, je me rhabille ou quoi, là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rhabille? Oh là là, j'ai eu un fauchage magnifique. Là, ouais, il l'a prise par derrière. Et ce fut pas magistral. Un petit peu tôt, le fauchage du blé. Oui, l'agriculteur est pressé, il veut manger tout de suite de la cagnotte. L'épi. Oui, l'épi a bien chuté, là. Et le pays aussi. Hein. L'épi, il est chuté à l'achat, mais à la vente, l'épi, là. Il a hyper augmenté. Ouais, merci. Le pays va mal, hein, mais nous, qu'est-ce qu'on se marre? Ballon dans les pieds de Barcelone. Je dis ça très sérieusement pour ceux qui ont envie véritablement de suivre cette confrontation dans des conditions dignes d'un journalisme sportif. Traditionnel et français. Non, attends, allons les enfants de... Ça me dit quelque chose. Attention, quand ça me dit quelque chose, vous savez que je n'aime pas hein, quand ça me dit quelque chose. Hein. C'est vrai. Mais c'est Jim encore. Ben, je me doute. Jim, il a trouvé des sons japonais. Non, il s'est fait un petit truc à la maison. Là. Il devait être en train de se tripoter, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il s'est senti bien d'un coup et c'est sorti. Merci, Jim. D'ailleurs, c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce, c'est peut-être Jim. Ça. Un ballon remonté par le Barça. Mayotte joue 0-0-0. Et pour l'instant, pas de grande... Faut dire qu'on regarde pas beaucoup non plus le match, Jacques. Hein. On s'est un peu égaré d'entrer là dans cette confrontation avec Paquita Ramirez qui cherche magnifiquement maintenant où la pelota d'Alien du Gardien de Barcelone. Barçanal. Ah, merde, qu'il n'y arrive pas à dire. C'est Arsenal ou Barçanal? Un peu les deux, parce que les deux équipes se ressemblent, elles sont proches, hein, mine de rien, même s'il y a peut-être plus de stars au Barça qu'Arsenal. Tu veux rien, Arsenal, c'est un peut-être. Quartier de Londres. C'est un quartier de Londres. Ouais, mais enfin, il y a du fric, d'accord. J'ai croisé Johnny Bridge, j'ai croisé Robert Cockleave, j'ai croisé quand même beaucoup de personnes, je dois dire. Merci, Jacques. Merci, Jean-Louis. Ballon sur le côté gauche. Avec le Barça qui monte, mais qui ne met pas bien son jeu en place, qui a du mal à développer ce qu'on a appelé un petit peu partout à travers le monde le football total. La grande place. Le public est comblé, en tout cas. Non, je veux dire, le stade est comblé. Pardon. Comble, ah. Jacques. Non. Mais il est comblé, alors. Non, comble. Mais si, c'est le stade, c'est un. Oui, un objet. Oui, bon, tu cherches la merde, quoi. Sur une petite musique douce, Jacques me cherche. Il y a quand même un foyer de quelques 12 millions d'habitants. Non, pas dans le studio, là, on ne pourra pas vous rentrer là. Très sérieusement, on ne pourra pas. Le centro de Barcelone qui doit bah, officier du jeu, là, hein, qui doit envoyer oui, mais là, le ballon. C'est terrible ce qui se passe. Chrétien démocrate. Oui. Il y a un chrétien démocrate en jeu, visiblement. Et ce sera donc un coup franc pour Arsenal, qui ne joue pas mal. Le coup ici à Barcelone, puisqu'ils tiennent leur qualification. Est-ce que tu penses qu'il y a plus d'Alzheimer dans le politique qu'ailleurs? Qu'est-ce que tu as dit? La météo sur BFM Business. Ah, on va faire un sale tape pour les pauvres de demain. Oh. Et après demain, les riches, ça devrait commencer à aller mieux. Mais alors, les super riches, ça va super bien. C'était la météo du business. Ah, vous en avez pour un moment. Historique. Merci à tous. Merci. Et vous nous lâchez 2 minutes. On peut commenter tranquillement ce match là, oui. Mais il n'a pas bougé le match. Il y a pratiquement 10 minutes de jeu et on a dû commenter deux. C'est vrai qu'il n'a pas bougé. C'est vrai. Et là, je m'emballe un petit peu, mais quand même, merde. Alors qu'on nous a vendu, survendu cette confrontation avec moult adjectifs florissants. Oui, mais vous connaissez mieux le foot que n'importe qui, si je puis dire, ami du Sporta 714e. Oh, tiens, il y a un Boeing 714 aussi qui passe. L'enjeu l'emporterait-il sur le jeu? On dirait bien là ce soir un petit peu, soit c'est Arsène qui est quand même un diabolique de la stratégie, soit Arsène a préparé un sale coup au Barcelonais avec, regarde comment se place son équipe, un espèce de triangle qui avance et recule en un seul mouvement, tu vois, comme un triangle qui viendrait, dont la pointe viendrait sectionner l'équipe de Barcelone en deux, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas de jardinage, je profite. Ouais. Sectionner. Sectionner, bien évidemment. Ça, c'était quand c'est Milouin qui était dans Lyon. Lyon. Sex et Lyon. C'est Milouin, bonsoir. Milouin, d'accord. Ouais. Louis Fine, pas tout à fait. Merci Jacques. Merci à vous, merci à vous tous. Le ballon dans les pieds de Barça qui avance maintenant à chauffer la palette, mais Arsenal s'en sort pas si mal. Avec là aussi technicité, non fébrilité, mais là peut-être Nadine Cerise se fait prendre. Non, oh Nadine Cerise qui est passé. Pas mal, oh Gawa. Timba. Public plus cool ce soir, mais au balcon, il y a du bon son. Vamos, Barça. Aïe, aïe, aïe. Andiamo. Oui, enfin, on est quatre. On est quatre, Jacques. On est même dans son camp, nous. Oui, c'est très bien ce que tu as dit. Toujours 0-0, bien évidemment. Et oui, elle crie, c'est désarroi, elle pleure ce score, vierge et nulle. Toujours 0-0. On a vu Pépé. Ouais, c'est pas facile là-dessus, les gars. Je sais pas pour qui je suis en fait, parce que bon, c'est vrai, le Barça, c'est le Barça. Mais Arsène mérite quand même un jour quand même de gagner quelque chose. Oui, de là, qu'est-ce que je raconte comme ça? Ah, mais comment il s'est fait reprendre? Comment il s'est fait reprendre sa mère? Allez, vas-y, tue-le! Oh là, que ce vice-là, tout ça. Ah, ouais, mais c'est joli. Ouais, c'est joli pour le Barça. La télé est très loin, je ne sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un m'a reculé la télé. Ou alors l'appartement s'est agrandi. Mais c'est assez curieux. C'est l'écran qui a. Qui a rafissé. Qui a perdu. Qui a perdu. L'écran a perdu. Ouais. Tout à l'heure, on parlait du stade comblé. Ben, l'écran a perdu. Ballon dans les pieds d'Arsenal qui a endigué le flot Messi avec une force de caractère magnifique qui va lui donner beaucoup de baume au cœur. Oui. Tout le monde à poil là. Oui, alors, bien sûr. Ouais. Excusez-moi. Il y a mazout avec. Oui, mais excusez-moi, là, je pensais que j'étais sur une autre fréquence. Je me retire. RM, c'est bon. Barça qui déroule avec Paquita Ramirez magnifique par Margarita Rotignetti. Oh là, que dommage que c'est corner. L'équipe londonienne qui a décidément une bonne idée là, c'est de jouer le jeu, hein, de ne pas que faire que du contre. Hein, excusez-moi, je ris, mais il faut voir ce que fait Jacques en même temps que cette analyse tout à fait lucide de la situation. C'est quand même assez hallucinant. Oh, tête corner par Arsenal et Jacques continue tranquillement la cuisine. Ah, il sale, il poivre, voilà, il assaisonne comme il faut. C'est pas loin. Ballon dans les pieds del Juganor. El Juganor. Quatorre. Qui se rapproche de plus en plus souvent, qui pénètre de plus en plus régulièrement dans la surface de réparation anglaise. Qui fait naître désespoir. Merci à Jacques qui continue, je vous le rappelle, à cuisiner. Ah, premier avertissement pour Jacques. Premier avertissement. Ouais. Un raffermissement pour tout le monde. Ouais. Raffermissement, Jackie. Elle est là, Lady Lionel, on l'a voyé, avec Joaquina Alves. Elle rigole, sa femme. Hein? Lady Loana, hein, devait être là ce soir, mais elle s'est perdue. Elle s'est perdue, effectivement, un petit peu partout d'ailleurs. En elle-même. Oh, regarde-moi ce filet, chérie. Regarde-moi ce filet. On est récupéré par le Barça, on dit l'équipe qui fait c'est la Barcelone qui fait le football le plus mieux du monde. Il fait le pas plus que le jeu, il fait pas le plus mal que tout ce qu'il fait le foot. Ballon sur la droite, Barcelone qui a du mal à nous faire vibrer comme il l'a su le faire hier soir après le dance floor. La piscine est finie les enfants. Ça rentre, oui, cette fois-ci, Lady Lionel s'est fait cravater, non, c'est Luciana Pedra. Luciana Pedra qui fait bénéficier d'un petit carton jaune à un partenaire sympathique. Ou plutôt un adversaire. Ça se passe, oui. Oui, un adversaire ouais. Pas méchant, allez, va. Pas méchant, mais ouais. Ils sont pas censés être méchants. Pourquoi on serait méchant dans le sport? Ah, il faut être agressif, Jacques, il faut une certaine agressivité dans le sport, bien évidemment. Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Zemmour. Ah. C'est une émission à vos Zemmour, c'est ça quand on vous parlez? Je suis pas très bien saisi. De toute façon, à la fin, ils s'enculent tous. Hein. Ah, mais dis donc. Oh, c'est à quelle heure? Nous allons sortir de la 15e minute de jeu qui est grasse. Cette minute de jeu est terriblement grasse. Nous allons en sortir dans pas longtemps. Je vous demande de prendre quelques instants. Attention à cette frappe bien captée par le portier anglais. Voilà, renommé. Ah mais il a fait bobo, je pense qu'il a pris le ballon dans les roupettes. À moins que ce soit les doigts ou l'ongle qui s'est retourné, mais quelle frappe de Daniel Alves. Secrétaire de rédaction de son prénom. Alors, bien. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Jean-Louis, je vous reçois, mais je vous entends pas. C'est curieux ça. Je me retrouve, hein, je me retrouve tout de suite. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est tout démonté le doigt. Suivez bien le ballon, il va taper. Oh oui, il lui a tout pété le doigt de la main gauche. Il faut dire que les ballons sont différents, je devrais dire, à chaque fois, hein, pratiquement. Ah oui, mais à chaque corner, à chaque coup franc, ouais. Là, on change de ballon. Ça, hein, pratiquement, ouais, hein, je veux dire, on peut le considérer, on le valide. Non, valide. Mais c'est la protection du ballon qui veut ça. Hein, c'est les accords internationaux, bien sûr. Absolument, tu ne peux pas tataner un ballon pendant plus de 7 ou 8 depuis minutes. Depuis combien de tataner? C'est la durée de vie d'un ballon, d'ailleurs, sur une pelouse. Hein, 7 à 8 minutes, très exactement, dans le niveau professionnel, hein, bien sûr. Hein. Après, chez les amateurs, c'est 8 ans, 10 ans le ballon, c'est pas pareil. C'est en roté. Alors là, on voit pas ce qui se passe, hein, mais en train de lui, voilà, on va lui enlever le doigt carrément. Absolument. Changer le doigt. Les mécaniciens sont là, on va changer le doigt tranquillement et puis ensuite on va pouvoir repartir. Voilà, on lui met le doigt de Zepp Maier, un doigt d'un ancien gardien magnifique, avec un doigt qui est plus long que tous les autres, mais tout va bien se passer. Rassurez-vous, Arsène, prend des nouvelles. Je suis là, s'ils veulent un gardien, je cherche quelqu'un. Je suis là, j'étais gardien partout. Allô, monsieur Jacques? Oui. Allô? Jacques, tu peux prendre les appels personnels hors émission. Oh là là, mais attention, attention Jacques, nous allons assister à un truc particulièrement rare. Changement de gardien. Changement de gardien du côté d'Arsenal. Alors leur sponsor, il y a du pognon, hein. Ah bon? J'ai pas vu, j'étais tourné, j'ai pas vu, c'était... non? Emirates. Merci les gars. On va pouvoir arrêter tranquillement le petit morceau de Jim. Ah, le gardien, c'est dur pour lui, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Il, bah, il prend l'avion. Il un arrêt, il se pète tout. Ouais, il y a Chichnek. Ouais, non, mais il est pas frais, ce truc-là. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il peut serrer la main, mais il peut pas arrêter les ballons. Non, je me suis coupé un ongle, je me suis coupé un ongle, alors j'arrête. Ah ouais, c'est bien la journée de la femme. Ouais. Un ongle, elle est obligée de sortir, la gardienne. Je vais dire la gardienne. de sortir la gardienne on salue sa remplaçante. On touche un peu la poitrine du côté de Arsène, c'est bien, il lui fait signe à la suppléante qu'elle peut y aller. Ouais, c'est. Vas-y à fond. Très bien pour lui, hein, lâche-toi sûrement. Lâche-toi dans la surface. Ouais. Rebondis dès que tu pourras. va trouver un emploi. Et plonge au demeurant. Que des bonnes consignes. Alors, il y a comme ça hein, des trajectoires, des histoires de vie. Oui. La petite histoire qui fait la grande, bien sûr. Cette gardienne hein, et oui. Sage-femme. Pour en arriver là, que vous m'avez fait chier comme ça. Mulet. Ouais, quel braquier dans les banques. Merci la production. Française. Et puis notre. La production française. 100% fait là. Fait là. Fait là, gars. 100% fait là, gars. Ballon tranquillement remonté par Barcelone qui n'a pas eu beaucoup d'occasion de se mettre en valeur. Que trop peu. J'aime beaucoup cette formule. Que trop peu. Avec une remontée d'Arsenal, mais dans la difficulté. Terrible difficulté. Si bien qu'il ne possède le ballon qu'une dizaine de secondes tout au plus. Ça joue côté Balsa. Ah ouais. On accélère un petit peu le processus. J'ai l'impression qu'ils ont monté le niveau. Bel appel de ballon. Ah ouais, mais la cuisse est trop courte par Pedra qui a pu, même en levant la jambe magistralement et en montrant la culotte à tout le public, n'a pu récupérer ce ballon qui était si bien donné. Notez que dimanche soir, dans le match de secours, il y a eu un doublé de Benzema. Nous avons loupé. C'est vrai. Oui. Notez. Nous étions dans le match officiel. Je vous rappelle qui était Marseille-Lille, mon cher. Pourtant, on a du nez, mais là, on peut mieux flaire. Pendant ça, là, sur la pelouse, et derrière aussi, ça joue tranquillement. Hein, ça joue vraiment à tous les niveaux, là, c'est paisible hein, ce soir. C'est pépère. Allons donc. Ouais. Remontez tranquille sur la droite avec Arsenal et John Peter qui va chercher l'entrée de Sinclair, l'entrée de Sinclair qui ne peut passer, évacué qu'il est par la défense barcelonaise et notamment Margarita Rubier. Qu'elle disait. On n'a pas tout confirmé, les états de naissance sont... 20 minutes de jeu déjà dans cette confrontation, 20 minutes de jeu. Merci Jockey pour le time shift, c'est ça? C'est pas tout à fait le time shift, je faisais le chronomètre. 52. Voilà, vous arrêtez l'image et quand on arrive à ça, 5, ben vous relancez l'image, voilà. 6, voilà, vous comprenez. 7, 38, 21 heures. Vous intéressez aux femmes comme vous qui entreprennent, qui... Ah ouais, femmes qui entreprennent. Elles sont de plus en plus entreprenantes. Le ballon maintenant dans les pieds tout simplement de Barça qui fait tourner la balle, qui confisque la gonfle Arsenal. Arsenal va être étouffé par cet étouffement terrible là maintenant. Ouais, on est au bord de la surface de réparation, on tente de la combinaison, mais c'est loupé, on n'a trouvé personne, si ce n'est un défenseur anglais qui contre-attaque pas très très bien non plus. Mais par contre, on s'attendait à ce qu'Arsenal joue, Jacques, et finalement Arsenal ne joue pas. Regarde, Arsenal, regarde ce triangle, regarde. Et c'est très bien qu'il ait mis le maillot jaune, on voit vachement bien la forme géométrique, tu vois, qu'il a. Regarde ce triangle qui bouge. Tu vois, on dirait une espèce de gros mollusque là qui. Oh, c'est crabe. Regarde ça se mouve en même temps. Tout est prêt pour empêcher les espaces et pour qu'on puisse pas trouver Lady Lionel, que celui-ci ne puisse faire le festival comme il le fit l'an dernier où il a mis 4 à lui tout seul. Oui, c'est ça, Jacques. Il y a des séquelles. Côté Arsenal, bien sûr. C'est quel sur match manche, c'est quelle partie C'est quelle compétition Récupération de ballon par Arsenal. Barcelone. Quel sport C'est le football. C'est quelle radio Radio Reportage. C'est quelle émission Sportas. Ah, attends, merde. C'est tonto. Le ballon récupéré par les maillots jaunes, les mains. Oh, merde, alors. Madruga. Cambio la pelota que recupera para Alberta. Sí, muy bien para señorina. Señorina. Todo sola. Sí, señorina. Pour arrêter une position claire. Pour arrêter une position claire, donc 0-0, c'est clair. Enfin, on peut prendre ces messages différemment, Jacques, aussi. On peut arrêter la position claire, c'est-à-dire défoncez-vous maintenant, mettez-vous minable, de toute façon. C'est fini la position claire, vous allez déprimer. Le ballon est dans la difficulté pour vous. Attention avec Georges Abitbol. Georges Abitbol poursuivi par les joueurs d'Arsenal dans sa surface de réparation, mais il s'en sort magistralement. Georges Abitbol qui contourne la défense et qui permet à son équipe de se dégager. Magnifique, Georges Abitbol. Double balle. Hein, bon. Ouais, attendez le pchit, oui. Pchit aussi. Bien, on a fait pchit. Los de Catalans, centro directo, c'était bien vous. Non, un peu fort comme ça. C'était bien vous quand même, la première intention, c'est là où tu fais déborder. Oui. Allora, oh là, contre tout seul, tu peux pas, mon gars. Non, Arsenal est en train de déjouer complètement et percer le ballon trop rapidement. C'est Nadine qui a fait ça. Nadine avec Lady Lionel qui perd le ball. Et les Anglais vont pouvoir tenter de repartir ce qu'ils font avec Huguette Horner qui perd la balle finalement grâce à ce magistral tacle de la défense catalane. Sous un ciel gris. Il fait gris, hein, Jackie, mais c'est parce qu'il fait nuit. Oui, ben oui, c'est un petit peu ça. De toute façon, je ne sais pas où je suis. Donc, comment voulez-vous que je sache? Voilà. Ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que... Ah oui, ça commence, ça y est, c'est parti. On discute entre les uns et les autres. Mais arrivera-t-il à temps? Ah, ça, je ne sais pas. Le match arrivera à temps, hein, je pense. Ah, il a démarré à temps. En tous les cas, on l'a entendu passer, même là, à la vitesse où il va, le match. Il y a une date de péremption hein, pour ces matchs en direct. Hein. Il ne peut pas dépasser minuit, sinon il se transforme en national. C'est déjà fait pour les arbitres, donc... Effectivement, je ne vois pas pourquoi ça n'interviendrait pas auprès des footballeurs. Le ballon est dans les pieds. Excusez-moi, mais hors catalan, chaque fois, je dis catalan désormais. Ça on pourrait, pour résumer l'affaire des arbitres, hein, qu'elle touche le fond, dans les deux sens du terme. Hein, et... Oui, en départ, touche quand même du fric, mais départ, en même temps, là, il râle au moment où il touche le fond, parce que finalement, il touche déjà du fric. Quoi. Oui, Jacques, merci. Hein, merci de remettre une couche sur l'homme en noir, qui ne l'est plus totalement d'ailleurs. Il suffit de regarder celui qui arbitre ce soir. C'est fini, le frère. Asseyez-vous, chérie, j'en ai pour une petite minute. Ah, la cavalerie qui arrive, il était temps parce que là, vous étiez complètement à côté de la plaque. Allez, ça a dépassé les borgnes. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Attention à ce ballon qui est remonté par le Catalan. Le Catalan. Ouais, mais alors là, on est loin de la fierté footballistique mondiale, hein, avec sa perle rare, Lady Lionel. Centro de Petra. Oui, ouais, peut-être ici, à qui que la rare va. Oui, il est obligé de faire le cirque magnifique, mais de rendre la balle à Arsenal. Qui se dégaille pas mal, mais pas bien. Plus mal que pas. Mais c'est que... Récupération, la position de balle est évidemment Barça, hein, Grenat. Oui, elle est énorme, hein, 68%, mais pour l'instant elle n'est pas, hein, on ne peut pas dire qu'elle soit très fertile. On est mieux hein, de cette crème catalane que nous avons là ce soir, en dessert cette semaine. Sport 714 en direct, samedi 8 mars, non c'est même mardi. Parce que samedi, ce ne sera pas le 8. Ah non, ce non, sera le 12. Le tournoi des 6 nations. Avec là aussi, oui, bien évidemment. Italie-France, alors là. 15h30. Ouais. Moi, c'est réglé, là, pour le programme, pour une fois. Quoi qu'on ne sait jamais. Ouais, c'est vrai qu'on peut vous annoncer ce qu'on veut. On ne sait jamais. Disons qu'il y aura toujours l'assise. Non, l'assise, on dit, Jacques. L'assise, pas l'assise. C'est n'importe quoi, ce type dit n'importe quoi. Le 3, la 4, la 5, la 6. Eh, t'entends, hein, il a dit la 6, je l'entends qu'il est con, c'est pas possible. Et on revoit ce qui s'est passé avec Lady Lionel qui s'est fait prendre en mini sandwich direct. Oh oui, là, on entend le son du ralenti. Oh, quelle férocité dans ce tacle sur Lady Lionel qui s'est déjà relevé et qui dribble. Qui dribble à 30-35 mètres, qui joue à 1-2, 1-3 maintenant. On est sur le côté gauche. Ah, ça c'est dommage. Cette fois-ci, Daniel Alves n'était pas monté. Et du coup, l'action a avorté. Le ballon est dans les pieds d'Arsenal. Pas sûr qu'il est bon d'utiliser le mot avorté, le genre de 8 mars, même si c'est un acte médical autorisé en France, il n'en est pas moins particulièrement difficile à assumer. C'est pas sûr ce que vous avez dit là. Ah, merci. C'est la première réelle tentative. Oui, moi aussi. Ah, je reviendrai. À tout de suite. C'est vrai que ça fait du bien. Une bonne tentative. On reprend le dessus. Voilà. Et le ballon est dans les pieds, mais pas assez longtemps Arsenal pour pouvoir construire, inventer, faire douter. Voilà, accélérer de chez accélérer. Hein. Surtout dans la récupération, Jacques. Voilà. Attention à la Sagrada. C'est la Sagrada. Familia qui s'enfonce. Et qui perd dans la pelota. Voilà, Arsenal qui peut conserver plus ou moins le ballon, mais non, jamais plus de 3-4 secondes. C'est à mi-terrain, hein, très précisément à mi-terrain. François. À mi-terrain. Je te salue. Merci. D'ailleurs, ce que nous allons faire pour ce carton jaune pour la production, nous allons aller écouter un petit jingle qui vous rappellera le nom de cette émission que vous êtes en train d'écouter. À tout de suite. À toi. Ah oui, mais écoute. Ah non, c'est un autre. À toi alors. Ah non, mais oh. Ah non, c'est à lui là-bas. Laisse-moi dire. Bon, qui c'est qui devait démarrer? Tu me casses les couilles. Bon, je sais, dans démarrer, il y a Total, et dans Total, il y a ZF. Bon, mais bien, on a fait le plein, t'es. Putain. Oh là là. Pour dire Sportaz, vous me faites chier. Mais c'est dangereux, une explosion de rire. Ok, c'est dans le gymnase de Percy. À l'ancienne. On voit l'action, ouais, très dangereuse. Ouais, ouais, ouais. Magnifique panier à 3 points qui n'est pas accordé, ouais. Je ne sais pour quelle raison, Jacques. À cause du parquet. Je croyais qu'il ne jugeait pas en ce moment. Le ballon là-bas, là-bas pour Barcelone, bien sûr. Barcelone. C'est vraiment l'éléphant du foot. Ouais. On peut le dire, hein, on gagnait de nombreux matchs et compétitions. Et pourtant, il ne joue pas à la défense, c'est ce qui est étonnant. C'est sûr. Ouais. Ok. Oh yeah. Ballon mal dégagé une fois de plus par Arsenal. Ouais, bah, écoutez, on va essayer d'y voir mieux dans ce match. Vous nous appelez au numéro que nous n'avons pas. Hein. Nous n'avons pas de numéro possible pour vous, mais vous pouvez nous écrire, nous envoyer des messages sur le site sportaz.fr. Peut-être sportaz@.fr. Ouais. Free. Non, ça c'est le mail. Il est con. Ah, et voilà pourquoi on perd des parts de marché, parce que on se ventre nous-mêmes dans la promotion de notre propre produit. C'est une honte. Ah, attention, il y a un la doublure de Mourinho. Hein, qui est là. Le manteau est un peu grand, non? C'est pour ça, c'est une doublure. Pas qu'on le reconnaisse. Oh, ça c'est joli. Ça joue fait. Bien. Hein, ouais. Ah oui. Ouais. Et c'est par ça. Hein. Une aile de Pirone. De Pirone, c'est la magnifique. Alla. Les Pirone, là, ça y est, là, je le fasse. Et là, il va tirer. Et là, il rentre le ballon. Oh, quelle couverture magistrale de je ne sais quel joueur. Mais bravo, Coco. Lionel qui n'a plus enclenché. La frappe. Effectivement, il a voulu se mettre sur son pied. Pas le meilleur, mais tant pis. À cette distance-là, ça peut rentrer de toute façon. Et finalement, on en coupé par une trajectoire bien négociée par un défenseur anglais. C'est assez rare pour le signaler. La magnifique retour de celui-ci. C'est quoi, c'est le time shift, Jean-Loup? 31. Oui, il est effacé, le numéro 20. Regarde, au lieu d'arrêter, il continue sa course. Secondes. Et c'est là où il vient reprendre son bien magnifiquement fait. Bravo, Coco. Alors qu'on me signale, et ça j'aimerais qu'on fasse attention. Attention, le Barça devient de plus en plus dangereux. Maintenant les joueurs d'Arsenal sont obligés de se foutre à terre pour arrêter la balle. Ça devient terrible ici au Camp Nou. L'Arsenal va craquer, le Barça va marquer dans un bruit de tonnerre. Continue à jouer, dit monsieur Time Shift. C'est bon, Jean-Loup, ça s'accélère quand même des deux côtés. Hein. Ils n'arrivent plus à sortir le ballon, les joueurs. Il peut y avoir le coup de bambou. Allez, là-dessus, peut-être Nandine Cerise qui finalement bénéficie d'une touche, et c'est peut-être le pire qu'il puisse y avoir. Vous me retrouverez ce soir au 08 64 13 13. Arrête-moi cette musique là qui me perturbe. Au revoir et merci pour tout. Au revoir. Profitez bien de votre séjour. Hein. Oui, ben moi aussi. Au revoir. Merci, allez, arrêtez-moi ces musiques, je veux du public maintenant. Hein. Je veux un son public parce que l'ambiance n'y est pas. Oui, ouais, le terrain s'affole un petit peu. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques actions plus intéressantes, plus franches, plus réussies avec celle-ci encore. Celle-ci dans la réparation. Il a eu du mal à se mettre en bonne position, David Pavillones. Tir croisé. Là. C'était quoi ce bruit là, ce son? Tir croisé en tout cas. Ouais. Intéressant côté Barça. Le Playtex, hein, Jacques. Hein. Playtex, monsieur. Bien joué. Texte. Au revoir. Yes. Pas hors jeu. Non, pas hors jeu du tout. Dans la surface, il tire instantanément pour surprendre la vivacité du gardien. Le tir est au bout et le gardien se couche bien. Allez, je vais vous écouter les programmes particuliers. Sérieusement. Je sais que c'est un débat et même certaines femmes sont contre les quotas. Ah oui, les femmes ne sont pas toutes d'accord entre elles. Ah non, il y en a même du tac au tac qui ne sont pas du tout d'accord du tout. Qui s'envoient du tac au tac. avec Lou Barça qui est muy peligroso. C'est une fois de plus ce centre qui passe devant sans que personne, normal. À la derecha, no, va puta manera que va a gardien. Attention, c'est la panique dans la défense. C'est la panique dans la défense londonienne. Oui, oui. Oh là là, il se jette, il ne sait plus quoi faire. Et c'est la fanfare ici. Oui, c'est la fête ici, au village juste à côté de Barcelone, un petit village tout à fait sympathique où personne ne regarde le match. Écoutez-moi ça, quelle ambiance ici. Ici, on danse, ici, on fume, on fait la fête, on boit, on rigole, on s'amuse, on oublie le foot complètement. Ah, il faut que j'aille me coucher. Non, on voit pas cette action-là de Pedra. Mais... Non, non. Quelle merde. Qui vivra Pedra. Mais pas là en tout cas. C'est Time Shift hein, qui est bien dans son temps. Ben 34-10, 34-11, 34-12, hein, si vous voulez vous caler pour ceux qui arrivent, pour ceux qui découvrent que nous sommes là alors que nous avions annoncé que nous n'y serions pas. Eh oui, je sais, c'est regrettable. Et c'est une aventure authentique. Mais c'est ça, Sportaz, une aventure authentique. Merci madame de croire encore en nous. Mm-hmm, non, oui, le ballon, Lionel qui revient sur le gauche. Dans la surface. Ils sont tous dans la surface, ils sont tous là, si on ne marque pas maintenant, on ne marquerait jamais. Y a nunca. Les Anglais sont bons quand même en défense, hein, globalement. Finalement, on les attendait un petit peu joueurs, mais ils touchent plus le ballon. Tout à l'heure, c'est 68%, mais je suis sûr que c'est monté. Hein. Ça doit être monstrueux. 80% du temps, ils doivent avoir le ballon, les Barcelonais. Mais écoutez, est-ce que c'est une bonne stratégie ? C'est l'horreur. Mais bon, pour un joueur en face, c'est affreux. Tu passes ton temps à regarder, à courir après la balle. Voilà, tu fais que ça. Quoi. Ça va se jouer sur hors-jeu ou pas hors-jeu, là, manifestement. Ouais, sur un truc comme ça, t'as raison, ouais, moi je comprends ce que tu dis là, ouais. Ouais, un truc à la con, ouais, avec un arbitre là, qui m'a l'air assez salope sur le coup, tu vois. Voyons ça là, ouais, il va lui mettre sur la gauche, je suis sûr qu'il va l'entamer la gueule. Vas-y, bourre-lui le but. Oh, poteau. Oh, faut pas lui dire bourre-lui le but plusieurs fois. Attention, encore une action du Barça qui met le paquet, hein. Ah oui, là, oui. Qui met la pression forte, très très forte. Ces Anglais qui craquer, les attendent. Hein. Ah oui, ça, si, pour attendre, ils attendent. Dans leur château. Le cachot. In the wine, un peu, sous un ciel gris, beaucoup. Parce qu'il est noir. Le ballon est long, jamais. Oui, mais ça sera un coup franc, hein, signalé par monsieur Time Shift. Monsieur Time Shift impeccable, qui tient absolument au tempo. Gardez le tempo, il faut que cette partie soit d'un bon rang. Allez, pour toutes les femmes. Et boum ! Pochao ! Oh, quelle gourmandise chez ce joueur qui pu s'entrer, eh bien non. Il a frappé comme un bourrin. Bien, bonne action, ça se précise, ça s'approche de l'instant but. Qu'est-ce que vous dites ? L'instant but, hein, dans quelques instants, Jackie, préparez-vous. Attention, j'arrive. Je surveille, je regarde, je suis prêt. Je me tripote un peu. Mettez vos habits de cuir. Je m'excite, cette musique, ça m'excite. Ouais, t'as. Attention, coup franc pour Barcelone, bonsoir. 35 mètres. Ou même plus. Non, n'exagère 35. Pas. Non. Bien 30, ça. 30, allez, 30. 28. Non, on se rapproche du public. Attention, il va les filer, c'est Daniel, hein, Daniel Alves. 37 rue des Pigeons Morts à Castillonnes, qui s'est fait mettre le mur. Le mur. Finalement, j'ai l'impression que c'est Lady Lionel hein, qui avait frappé ce coup franc. Mais il y avait The Wall. Mm-hmm. Bravo, là, bravo pour cet anglais parfait et bien maîtrisé, je dois dire. D'une pointe au dos. Hein. Allez, réaccélération des Catalans, sûrement. Allez, les gars! Ah, bah, que amicalement votre, derrière, Francis, baisse la télé, Francis! On entend que ton truc, là, Francis, baisse la télé, merde! Baby, I'm in love, baby, I'm in love with you! Maintenant, Jean-Louis! Là! Ah, enfin! Un retour ici au Camp Nou, Jacques, tu es là? Camp Nou! Qu'on fait ce qu'on peut. Là, en l'occurrence, les deux équipes à 0-0. La qualification est côté anglais. Côté anglais. Non. Côté anglais, Jacques. Zach. En revanche, okay. Les amateurs, journalistes amateurs qui ont des vidéos concernant l'Afrique pourront nous envoyer ces vidéos. Ouais, devenez journaliste, mais gratuit, vous voyez, c'est-à-dire, voilà. Faites le boulot et puis, oui. Et puis vous savez rien. Là, qui a fait des emplettes quoi. C'est Sandrine Clichy hein, qui a démonté visiblement le tibia de Daniel Alves. Qui se plaint. On va revoir ça. Ah, elle lui casse. Ah oui, effectivement, elle lui casse carrément le talon. Ouais. Elle lui pète le talon d'un coup de par derrière, là. Hein, tiens, regarde, ça, par là, derrière, ça fait très mal. Ouais. Car on ne voit pas arriver le coup. Non, on ne peut pas l'amortir. Effectivement. C'est ce qui est douloureux. Oh là là. Je crois que c'est la pendule. Hein. Et ça monte terriblement. Mais on va signaler par monsieur Shift. Je crois qu'on va faire entrer les... Shaft, là, c'est monsieur Shaft. Non, je crois que ce sont les sbires de la FIFA en culot qui n'est pas du tout content du spectacle. Ah non. C'est Time Shaft qu'on entend derrière. Ça canard d'abord. Où est le temps? Où sont passées les secondes? Combien reste-t-il? À quelle minute précisément? Combien y a-t-il? Qui a une horloge? Salut! Réveille-moi! Sur le temps. Pardon. Ça va? J'avoue. Vous avez vu? C'était pas moi, mais c'est pas vous que je parle là. Ouais. Cet éclat, cette blancheur. Oui, mais je sais pas vous que je parle. Retrouvez l'éclat du linge d'autrefois. Madame, s'il vous plaît. Ça commence à bien faire. Hein. Il y a du beau linge qui vient de rentrer. Je suis essoré. Arrive bientôt à la 40e minute, il ne s'est pas passé énormissimement grand-chose, ça commence à le faire. Disons qu'on sent une pression quand même de la part de Barcelone, on sent une pression certaine, même si là, avec tranquillité. Solide, solide à l'anglaise, contre la poitrine, gardien. Tout simplement, un geste magnifique. Mais attention à la relance pour Barcelone, enfin pour Arsenal, l'important, l'essentiel est de garder le ballon plus de 7 secondes, même pas le temps de le dire, ils l'ont perdu, c'est ça, c'est ce qui est fou, ce qui doit te foutre le moral à zéro quand même, Jacques. Hein. Comme il vieillit, forcément il a eu du mal à monter les escaliers. Puis... Je ne sais pas de qui il parle. C'est pas de moi. Non, pas encore. Non, je t'ai vu dans l'escalier. Voilà, j'avais que le vélo, donc des problèmes. J'ai vu le bonhomme. L'escalier. Ah, peut-être Arsenal, ce coup-ci, avec un peu de chance, il récupère la balle sans intervention de l'arbitre, on peut jouer. Arsenal, un petit écantia. Même pas. Lorsqu'ils peuvent, à un moment donné, se montrer dangereux, ils se faiblissent. Ils s'affaissent minablement, sauf que peut-être ici, avec enfin un peu de talent visible du côté des jaunes. Peut-être, mais... L'intervention, oui, parce que là, il y a blessado, oui. Ouais. Georges Abitbol est complètement séché sur la pelouse. Double balle. Et Bonsoir. Il va falloir... Il a bobo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plus de monde ici que derrière, apparemment. Il y a du monde partout, Jacques. Hein, quand il y a Gala, Soares... Il y a même les petits oiseaux qui sont venus. C'est une atmosphère particulière. Un petit instant de nature. Hein. Oh, qu'il est coquin celui-ci. Oh, regardez-le manger le pain. Ils sont là, les oiseaux. Regardez, on les entend, on les voit. Ils sont magnifiques. Allez, les oiseaux. Allô? Ah oui, pardon, Jackie. Rien à bouger. Qu'est-ce que vous faisiez? Excusez-moi. Je regardais s'il y avait du score. Oui, combien est le chiffre? Toujours 4-2. 4-2. 4-2? C'est-à-dire 42, vous dites? Non. Ah bon? 2. 2. Merci. L'arbitre ramène délicatement le ballon. Attention, regarde. Bien. Ah oui, l'entre-deux, c'est rare. Mais c'est sympa. Toute l'élégance du coach catalan, manteau noir, petit pull gris, cravate noire sur chemise blanche. Élégance sobre, mais tout à fait correcte pour être digne d'être présenté dans un stade où il y a environ 100 000 personnes, je dois. Il faut le dire, il faut le préciser même. Quant à Arsène, le manteau grand, trop grand, c'est pas tout à fait élégant. Avec Arsenal qui monte, mais dommage. Oui, mais Arsenal toujours qualifié. Oui, Jacques, tu fais bien de préciser ce petit chose. Et c'est un corner miraculeux pour les joueurs d'Arsenal. Et attention, s'il vous plaît, derrière. En grande forme, Boussaka, là, dans cette première période. Paris, chez Numéricable, sur le canal 95. Oui, c'est le moment, on transmettra tous les canaux. 43 minutes dans cette première période. Mais vous la fermez. Pierre, avec toujours... Vous la fermez, votre gueule, là, sinon je coupe. Hein. Du FC Barcelone. Oui, on peut plus couper la radio. Qui ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Nous sommes là. Après moult péripéties, nous nous retrouvons sur cette pelouse, belle pelouse, où je t'invite, mon frère, à méditer sur la transversalité du football en milieu associatif et urbain. Si vos gencives sont douloureuses, si vos dents sont sensibles au chaud et au froid, si vos gencives saignent légèrement, oui, brossez-vous les dents chaque jour. Oui, ça fait aussi partie du débat. Retour ici donc, ça s'échauffe un peu. Ah, oui, voilà, ça voilà. Se réchauffe. Ça manque, un peu ça manquait un petit peu de. Oui, ouais, c'est ça, un peu de carbone. Oui, il manquait quelque chose. Oui, du CO2 peut-être. Discute, je ne sais pas. En tout cas, il ça n'est plus du foot. Il a changé la glotte, me semble-t-il. Et je pense qu'un des joueurs n'est pas du tout au courant des us et coutumes de la Champions League. Il peste, il râle, il puste. Il n'en peut plus, le type. Et ça s'énerve, ça s'échauffe sous les yeux de monsieur, ouais. Time Shift. Mais qui a fauté pour de vrai, Jackie, vous étiez près de l'action, hein, on peut dire. Pas du tout. Alors là, cette fois-ci, d'habitude, bien évidemment, je suis au cœur. Hein, mais là, qui tousse derrière moi? Arrêtez, là, vous faites un bruit, monsieur. Mais allez mourir ailleurs. Est-ce qu'on reverra quelque chose au ralenti, Jean-Louis, ou est-ce que tu préfères nous envoyer les photos de ta femme cet été? Visiblement, c'est ta femme cet été. Vous êtes allé sur Mars ou quoi? Il y a quelqu'un, alors qu'on revoit un petit peu l'altercation entre Georges et Paul. Tout le monde a les mains levées, il faut lever les mains devant, je ne sais pas ce que font les joueurs. Et nous sommes dans les tarés de jeu. Voilà, on nous annonce un but, mais pas sur ce stade, hein, manifestement. Jackie, vous êtes près d'un but. non, toujours pas, non. Vous essayez de me caler partout. Mais mon chéri, c'est bien une urgence. Oui, je sais, mais j'arrive. Allons-y, quand même. Il y a déjà du changement? Bah oui. Du côté Larsen, que se passe-t-il? On fait re-rentrer, on rentre, on pénètre, on sort, on fait n'importe quoi sur cette pelouse et ça s'énerve à mort. Ouh là là, il y a des règlements de compte. Ça chahute, ça se blesse, ça se tape. Visiblement, ça chie sur la pelouse. Jean-Louis, as-tu une image sympathique? Il y en a un qui est sorti. Ah, c'est lui, là, hein, c'est Van Persie là. Qui prend un jeune. Je pense que Van Persie, ouais, a un peu assaisonné tout le monde et, effectivement. Et je crois qu'il a récolté ce qu'il était allé chercher. C'est ici, oui, là. Ça va ralentir, Jean-Loup, merci. Il a punché de la main gauche. Un raffut, un bon raffut, me semble-t-il. Est-ce que c'est autorisé, le raffut? Il le regarde et, ah oui, oh, il l'a un peu... Un peu secoué, le petit. Oui, mais il est très grand, quand même. Oui, surtout, il est très en colère, il est très nerveux. Très nerveuse, elle est très nerveuse, je la trouve très nerveuse, Van Persie, ce soir. Il ne faudrait pas qu'elle s'agite et qu'elle s'en perde ou s'en grille un bat. Eh oui, mais les Espagnols ont augmenté la pression et les fautes commencent à payer. Ah, Cerbecha, tout à la Cerbecha maintenant avec une récupération d'Arsenal. Arsenal qui pourrait faire le roll-up maintenant s'il marquait un but. Bah, Arsenal devrait en marquer 3. Arsenal qui attaque et qui perd la balle. On va voir ça plus près. Et il relance, la contre-attaque magnifique de Barcelone, il peut passer devant, oui, il continue, trajectoire fantastique du ballon, l'équipe va pénétrer avec la Lady Lionel, et pas goal, oh là là, que parade, pas goal, et Magnolia dans les buts. C'était presque ça. Bel arrêt de Magnolia, et ça repart pour le Barça de Barcelone. C'est comme ça qu'on t'aime, toi, le Barça. Barça, mais c'est déjà mi-temps. Mais c'est pas comme ça que tu marques. Na na da da, na da da. Vas-y, joue là. Ah, joue Barça. Vas-y, voilà. Hey, joue Barça. À coup d'éclat. Oh, touche-moi. On te revoilà. Pénètre là. C'est comme ça que je t'aime, Barça. Barça. Barça sur le Nil, go. Barça sur le Nil, go. Barça sur le Nil. Barça sur le Nil. Eh bien, j'aimerais avoir l'antenne, ils ont marqué, merde, passez-moi l'antenne. Arrêtez c'est cette musique de merde. Toi le Barça. Passez-moi l'antenne, bordel. Ils ont marqué. Toi le Barça. Barça sur le Nil. Oh, oh, oh. Barça sur le Nil. Oh, Barça. Barça sur le Nil. Barça. Lionel sur une magnifique passe de François Iniesta. Puis alors là, c'est magnifique. Ce qu'il lui fait, c'est magistral. De Lady Lionel qui, pour l'instant, qualifie Barcelone pour la suite de la compétition. Bordel de merde. Ouais. Barça sur le Nil. Oui, Barça. Merci les gars. Merci pour ce finish de première période qui n'en finit pas de durer. Ah, on n'a même pas envie d'arrêter ce match. L'arbitre a décidé qu'il ne ferait pas de mi-temps. Ce match est en continu jusqu'à la fin. C'est nouveau ça aussi. Barça sur le Nil. Barça. Et ça fait 1-0 pour le Barça. Je te marquerai le but si tu ne gardes pas. Barça. Je te marquerai le but si tu ne fermes pas. Barça. Barça. Barça. Arsenal 0. Barça. Barça. Bon, magnifique, oh, la pelota, magnifique, mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'avait demandé, ils l'ont fait, les petits espagnolettes. Mais finalement, ça ne change rien pour Arsenal, il faut marquer un but et puis c'est tout. Certes, mais en fait, ils étaient qualifiés juste avant. C'est vrai, donc ça change tout. Barça. Mi-temps là, voilà. Merci les gars. Merci les gars. Merci, arrêtez tout. La mi-temps, ton ami. Ah bien oui, c'est la mi-temps ici donc à Barcelone sur un match qui a du mal à se lancer mais qui tient désormais toutes ses promesses. Toucher, c'est très étonnant. Ah oui, voyons. Ben, on revoit cette action collègue. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il l'a fait exprès? C'est du goal. C'est du goal. Il a un peu de choune, mais là on revoit cette action, mais en 3D. Magnifique, au ralenti, c'est très fort. Ils sont un peu sales, hein, parce qu'effectivement les images en 3D sont plus réalistes. Ah. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait nous pendant la mi-temps, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Un ping-pong ou un handball? Écoute, le studio se prête plus quand même au ping-pong. Alors, voyons tout ça. Doucement, ne courez pas autour de la piscine. Allô? Nous sommes seuls ce soir. On revient, on arrive et on est là. Allô? Mi-temps de Sparta 714, tout de suite. Ouais! Ah, quand même. On peut rester aussi. Ouais, on est là, on n'est pas loin, on est là. On part pas, on est pas loin, on dit rien, on est là. Vital, on a quand même eu l'année 2001. Ah bon, oui, on y était d'ailleurs. Non, on dit rien. Oh là. On était même quasi en direct. Hein. Ah. Toi, tu le préfères senior, non? Ouais, le score, je veux dire. Tout. Pas une clope. Cette perturbation peu active. Et c'est là que je voulais revenir. Quand tu veux. Quand tu veux, tu reviens. Mais... être très convaincant, nous. On va voir les chiffres. Oui, montre-moi les chiffres. Vas-y, Jean-Loup. Immédiatement. Non, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Jetez-moi ce. Appelez-moi le procureur. Voilà. Ah non. dans la mi-temps, il y a des messages qui essaient de m'en profiter là. Frapper dans le but vide. Eh ben oui, ce but vide à la mi-temps, ça ne peut pas marquer. Car Radio Sportaz, pour marquer les esprits. Radio Sportaz, et je m'embrase. Elles sont prises dans un séquençage. If you want to grow, just let go. Everything you saw, everything you think you know about this girl, love a boy, all hell broke loose, but it's not up to you. Thank you. Alors c'est incroyable. Radio Sportas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est énorme. Ah, c'est pas ordinaire. Merci, Jim. En quelques instants, le site est directement à Sportas. C'est possible. Ah, ça va mieux, disons, tu vas soulager, là j'avais un poids, j'arrivais pas à m'en sortir. Ah, ça va mieux, voilà. On va assister peut-être à du changement. Arsène a-t-il décidé de prendre le taureau par les cornes, autrement dit le Barça par les couilles, et d'y aller franchement cette fois-ci, d'attaquer profondément. Encore pour cela, faut-il avoir le monopole de la balle, et pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Est-ce que vous avez vu les chiffres? Là, il est dans sa puissance. Ouais. Ah ouais. C'est bien dit. Toute la puissance du Barça en cette fin de première mi-temps que vous avez suivi, bien sûr, vous les privilégiés. Action. Jean-Louis, action. Action, Jean-Louis, on te dit. Tranquille, non, écoutez, madame, non. Arrêtez avec ça, là. Oui, vous êtes pas mal, oui, mais c'est pas ça, là, on est en plein travail, là. On voit les oiseaux ouais. Magnifiques sur ce stade. Je te donne le nom de tous les salopards de la Fédération Italienne de football, tu vas voir. Allez, c'est l'enculé, lui, c'est l'enculé, merci. Et c'est le plus grand enculé, j'en lâche. Sûrement un pote à Berlu. Et oui, voilà comment vont les infos entre les uns et les autres. Hop, petite discussion, un papier qui sort, et voilà. Lui, il est blacklisté. Tandis que là, j'aperçois Aimé de Sailly et Marcel Jacquet. Les deux amis, les deux bons copains, les deux coucou coin coin. Tandis que le match peut être repris, non, bien évidemment, non. On revoit Jacques Abitbol, ou Georges Abitbol, bien évidemment, qui avait contourné, souvenez-vous, la défense était au tout début de la première période. Je vois pas pourquoi tu nous remontes ces images à la con, Jean-Louis. Jean-Louis, non, mais de toute façon, écoutez, tant que ça n'a pas recommencé, taisez-vous. Ah, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de gains. Ah bon, Jean-Louise? On nous dit que ça a recommencé. Non, mais non. Non, Jean-Louise, ça n'a pas recommencé. Arrête! Arrête. Une homme-femme. Oh, quel casse. Jean-Louis, arrête ce match immédiatement. C'est la mi-temps. Los Putos. Los quoi? Los Putos. Tu me cherches, Jean-Louis, ou quoi? Tu vas la bagarre, hein? Tu vas la bagarre, Jean-Louis, c'est ça? Oh. Attention, Jean-Louis, hein? Mais oui, un tout. Pépé peut en cacher un autre. Ouais, tiens. Alors, il y a du changement du côté de Baba Arsenal d'un côté contre Baba Arsenal de l'autre. Il y a du changement, me semble-t-il, Jacques. Oui, oui. Bon, il y a Baba Gaulle hein, qui a été remplacé hein, en première mi-temps. Barbabut qui est apparu en fin de première période aussi. Et là, on va faire Barba Galopant qui va rentrer donc. Je préfère ça à Barbacourt à rentrer quand même. Gros plan sur Nadine Cerise sur Lady Lionel. Lady Lionel. Zri, oui, Nadine Zri. Je ne vois pas pourquoi tu as dit. Effectivement, Pierre. Effectivement. Effectivement, Pierre. C'était même pas une pub. Alors c'est l'issue. Sportas 714, ouais. Deuxième mi-temps, huitième de finale. Barcelone, Arsenal sur Canal. Oui, jusque-là, t'as bon. 0, c'est ouais. Un régal. Oui, on s'attendait à plus, mais ce fut quand même une fin de mi-temps magnifique. Oui, quand même. Même Monsieur Time Shift dans quelques secondes qui va reprendre donc. Il prend son pouls et il y va. Attention, ça y est. Pouls d'or, 0 secondes, c'est parti, c'est Time Shift. Donc, oui, Time Shift. Non, mais dis-le, tu dis ça en dormant. Oh, bordel alors. Jean-Louis, on te dit d'allumer maintenant. Oh, putain. 65, 12, 13, 14, 16. On énumère un petit peu les secondes, comme ça vous pouvez, on vous le rappelle, vous caler et ainsi éviter le décalage fatidique qu'il y a entre le son et l'image, puisque nous passons par un secteur et vous recevez l'image par un autre, bien évidemment. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il est 28 secondes de la deuxième mi-temps, 29, 30. Oui, il va pas nous le faire pendant tout le truc, parce que là, ça deviendrait un peu rébarbatif. Ça, c'est fantastique. C'est vrai, vous trouvez vous aussi, ça vous plaît. Ah, la putain. L'os bah de la partie. L'os de Ramblash. L'os de Ramblash. Qui avait la balle. Qui esperan, eh. Ma que c'est Ramblash. Mucho, gol de Mifflin Lady Lionel. Jacques est en train de regarder le journal en même temps, donc ne vous étonnez pas s'il vous semble absent, hein. C'est tout à fait normal. Jusque là, tout. Pardon. Abrofonia, ok. C'est le mot de passe. Hein. Abrofonia. Passe, vous tapez ce mot de passe et vous rentrez directement sur le site Sportaz en tant qu'administrateur. Et le ballon est remonté par Barcelone et son insatiable buteur. Lutteur, lutin. Ah oui, putain, lutteur, lutin. Effectivement, Jacques, on peut lui en mettre à toutes les sauces. Mais Arsenal attaque. Tiens, pour une fois, Arsenal tente d'y aller. Oui, avec son petit gabarit pour être voleur de banque. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Le grand ou petit, maintenant, pour braquer une banque, faut quand même être sacrément doué. Mais c'est n'importe quoi. L'histoire des braquages de banque. D'ailleurs, que tous les nains sont des braqueurs. Jacques, continuons, tu vas finir comme Zemmour. Le ballon est remonté par bas. Celle-là n'est pas sur la droite, mais intervention magistrale de la défense, pas pour longtemps. Cette difficulté à conserver la balle pour Arsenal va lui jouer des tours. C'est certain, ça a commencé. Toujours 1-0 bien évidemment pour Barcelone. Barcelone est qualifié pour la suite. Ouais. C'est à Arsenal de faire le jeu désormais. À l'anglaise, si possible, mais un peu de françoisise avec sur le Banalois pour ces jeunes qui sont débordés à nouveau par ces Barcelonais. Ils sont mal partis. Requinqués. Bien sûr, depuis cette fin de première mi-temps, ils furent aussi accablants pour les... Non mais en fait on parle du foot champagne de Barcelone, mais c'est surtout d'abord un foot à l'étouffer, quoi. Ah ouais, ils t'empêchent, mais c'est hallucinant là ce soir comme ils agissent, ils t'empêchent véritablement de bouger, de faire vivre le cuir. Ils sont 2-3 sur le porteur du ballon et au bout d'un moment ils récupèrent sans problème. C'est à l'étouffer. Tiens, regarde, ils ont le ballon depuis 2 secondes, 3 secondes. 4. Ah, ils vont arriver au milieu du terrain, grosso merdo, et bon, a priori. C'est là où ça va devenir très difficile. Voilà, difficulté à conserver, on essaie de repartir. On est tout seul, ça va pas plus loin. À l'étouffer, ça s'appelle. Voyez-vous ce football-là. Alors qu'on s'attendait à mieux, côté anglais, avec quelques stars du ballon. Mais le score est à l'avantage des plus besogneux et ceux qui possèdent la balle quand même ont un peu plus de chance de l'emporter avec Arsenal qui fait plus de jeux. Cette fois-ci un peu, qui essaye quand même de bousculer la défense centrale de Barcelone. Regarde-moi ça, la relance, pim, pam. Balsa, dans le dos de la défense. Si, belle de Lionel. Lady Lionel, il n'y avait personne pour qui la balle. J'avais intention. Bonne intention, mais... Mais on joue avec le feu aussi du côté d'Arsenal. Sur les relances, on joue avec le feu comme ici, on perd le ballon, il n'est pas sorti. Récupération de Barcelone. Barcelone, il y a la balle qui va rentrer dans la surface de réparation. Lady Lionel. Lady Lionel qui est au corner. Radio Sportaz. Vous m'avez fait peur, monsieur. Ah, alors on se chamaille même en dehors du terrain. C'est vous dire telle l'âpreté de ce match. Et j'ai revu les images sur le but de Barcelone, Jacques. L'explosion et le soulagement du côté, tout quand même. Évolué, hein, merci. Vraiment une panne de machine. Ça va aller, vous inquiétez pas. Avec peut-être un second but du côté de Barcelone, on s'élance bien, le ballon est joliment récupéré. Une double balle débordée, mais on récupère côté Balchap et double balle. Immédiatement, on se propose deux solutions. Solution parallèle, ballon, comme ici, mais lui n'a pas, donc il met derrière. Et on fait tourner, c'est bouché par là, on va repartir par ici sans aucun souci. Les grands espaces font les grandes équipes. C'est reparti avec un centre à peu près ici, tout de même. Relance un peu quoi non affirmée, à peu près east, à l'avantage des Décathlon. Sale pub. C'est une sale pub, tout à fait. Corner Catlan, Décathlon. À fond la force, bien évidemment. avec ce ballon qui va être joué par le Barça rapidement. Il faut pas lui remettre immédiatement, sinon il est en jeu. Mais si, là maintenant, bon, c'est dommage. Corner joué à deux, on revient vers le centre. Ah oui, on a essayé la combinaison, mais la pas marchado la combinaison. Está perrimato la combinaison. Ouais, mais alors les Anglais effectivement continuent de perdre ce ballon bien loin du but. De chez eux, de Times Square, de la Tamise. Ils sont eux-mêmes dans la Tamise. Ouais, là. Un petit peu, là la Tamise. Sacré Tamise, oui. Oui. Confirme. Jean-Loup, tu m'affiches tout là. Et décidé, très. Et tu affiches décidé, Jean-Loup. Allez, vas-y, c'est à toi, Jean-Loup. Elle a accepté aujourd'hui de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Le procès s'arrête donc au moins jusqu'en juin prochain. Ben voilà. Voilà, c'était l'information du jour. Bonjour. Le ballon est dans les pieds catalans, dans la Tour. Information chaque. Ah oui, bien évidemment. Le canal historique. Les ballons récupérés par... j'en ai marre de le dire. J'ai l'impression de me répéter dans cette confrontation avec... On cherche la petite passe un peu oui, sale là dans la surface. Combinaisons ouais, combinaisons. 2, 3 ouais. Mais pourquoi pas un tir lointain pourrait faire tout à fait la différence aussi. Et Arsenal reste sous le coup d'un but. Barcelone reste sous le coup d'un but, Jacques. Si Arsenal venait à égaliser, c'est Arsenal qui serait qualifié, vois-tu. C'est pour ça qu'on court, concours. Nadine Cerise qui est reprise. Nadine qui a fait quand même. La balle. Oui. Ouais, mais alors, il est tout seul, ils sont trois autour, il est tout seul, il a de la chance. Hein. Ouais. Il récupère un corner, il était vraiment esselé. Et ce sera bon pour Arsenal. S'ils peuvent le faire maintenant, pourquoi pas. Faut la filiale de Volkswagen. Ouais, s'il fallait l'acheter, c'est maintenant. Hein. Faut ce rover de bonheur. À bientôt les coccinelles. Ah, la bête, nom de Dieu. Hey, oh, goal! Goal d'Arsenal! Angole-moi! Non. En égalisation, on sait pas, je pense que c'est un joueur, ouais, c'est lui qui a marché contre son camp. Contre son camp? Je pense, parce qu'il se félicite. Contre son camp, nous. Oui, on peut le dire. Nous. En tous les cas. C'est un but camp nous. On va revoir ça gentiment au ralenti, Jean-Louis. Au-delà, ça va pas être facile. Ah oui. Goal. But contre son camp. Ils ont embrouillé la défense espagnole. Del Pedro, me semble-t-il. Oh là là là là. But contre son camp. But contre son camp. Toute la différence. C'est que la défense ne s'y attend pas. C'est que la défense ne s'y attend pas. Et attention au Barça. Ça nous fait un partout. L'égalisation qui qualifie l'équipe anglaise. Oh là là, il y a eu un gardien sorti. Et s'il y a en plus, il s'est fait éclater la gencive, ça va mal finir. Un partout. But contre son camp. Il a mis un grand coup de pompe dans la figure. Mais c'était un bon terrache. Il a démonté la gueule. Aïe. Que des faits d'action qui viennent d'arriver dans. Contre son corps. Rapapapa, voilà, égalisation. Par Arsenal. Ça nous régale, ça, donc. Impeccable, voilà qui nous va très bien. Merci pour cette petite chanson. Et lui, il a le maxillaire. Effectivement, il avait la gueule un petit peu plus allongée tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il a la bouche juste. Prépare son recyclage pour le cinéma, il faut avoir une gueule. Le moins. Ah ben voilà qui nous fait du bien. Voilà qui a obligé Elbaz à développer son jeu, qui a fait sa super séquence de football, qui a fait jouir des générations entières d'hommes et de femmes un soir de match à la télévision. Obligation de hacer un juego más para periódica 2-1-1. Voilà, surtout qui va conforter Arsenal, Jacques, dans sa petite position sympathique. Je vous savais. Dans cette rencontre entre Francis et Jean. Sur un Français qui passe au travers. Ouais. Lui aussi est passé au travers, mais pas du drapeau du de l'assesseur de M. Tom Shift. Et ce sera donc un bon petit coup franc pour Barcelone. Oui. Et en plus, il est rouge. Oh là là. Oh, il a un deuxième avertissement et c'est un rouge. Il est expulsé. Continue. Oh là là là là. Mais quel tournant. Match mais... qui rentre dans les reliques. Oh. Il fallait être là. Finalement, il fallait être là. Nous sommes dans une vraiment dans une situation extraordinaire. Votez, votez pour Francis. Et n'y allez pas. Expulsion après l'égalisation, le coup du sort, l'expulsion du... En tous les cas pas buteur, mais en tous les cas l'un des... Waouh, du... Hey, Arsenal qui va finir à 10. Mais attention à 10, on est souvent... Très fort. Très fort. Très fort. En tout cas, ils sont à nouveau en position d'être qualifiés. Ouais, ouais, ouais. Mais alors là, quand même. À 11 contre le Barça, tu touches pas la balle. Donc à 10, je peux supposer que. Leur but maintenant, c'est de pas en prendre un. Hein, parce que pour en marquer un, ça devient vraiment trop difficile. Le goal d'Arsenal, c'est de ne plus en prendre un seul. Ouais. Expulsion du joueur d'Arsenal. Je suis ton père. Oui, un retour ici sur la pénalité, s'il vous plaît. 57 minutes de jeu. 57 minutes de jeu. Ah, voilà qui oblige quand même la formation catalane à Catalogne. Oui, la catalogue la redoute. Avec la Catalogne, je la redoute. Attention également, bien sûr, à des prolongations possibles s'il le passe. Absolument, Jacques. Marque un petit but de plus. Mais oui, je le vois bien venir comme ça. C'est absolument pas prévu, mais tout se met en route finalement pour que nous le retrouvions dans une situation absolument folle. Avant la fin de ce match, ici sur la montée, sur le Barça. Sol sur le côté, il va. Centro. Peut apprendre la balle, pas bon. Il donne, c'est bien. Magnifique à Pavillonès qui met derrière. Incredible. Ça va être fort à la mousse sous les buts de Barça. Magnifique. J'avais dit à Françoise, non, ce soir, vraiment, tu vois, vraiment, je sens ce match. Alors, elle avait, je crois que c'était la journée de la femme, elle a été super compréhensive, elle a dit, bon, mais puisque c'est comme ça, je serai avec mes copines. Putain, j'ai jamais regretté, sauf que l'ascenseur est resté coincé. C'est l'action. J'ai rien vu. Merci monsieur pour cette cause. Oui, cause. Merci pour cette petite histoire monsieur. 57-45. Ça fait beaucoup. Ça n'est pas, non, ce n'est pas le prix de ce match. Pas hein, cumulé, hein. Non, ce n'est pas le prix du match. Je me méfie avec la crise, tout augmente, y compris les égos de certains. Oui, bon, ça aurait augmenté sans crise, hein, je pense. Certains sont voués à l'augmentation d'eux-mêmes. Et oui, mais il faut savoir partager après. Ah, oui, moi j'aime partager. Je ne suis pas seul, ça dérange. Mais le vivre ensemble, c'est fort. Oui, d'accord, oui. Bon, ben, je continue mes affaires, alors. Merci, parce que de toute façon, tout le monde s'en fout. Donc, à tout à l'heure, avec Magnifique et Magnifique, bien évidemment. Nous allons essayer de revenir dans ce match, là, parce que... C'est la classe. Ouais, merci, monsieur. C'est pas toujours le cas, mais quand même, le ballon est là sur le côté gauche pour Barcelone. Barcelone qui se doit de marquer. Barcelone qui est éliminé dans son antre pour l'instant par un Arsenal diminué, réduit à 10. Oh là là là là là là. Réduit à petit jeu. Lui aussi a mis potatoes on the bar transversale, mais ça fait deux fois lui qui fait ça là. Mais c'est un fou de la barre transversale et du poteau celui-ci. D'origine brésilienne. Je ne sais pas. Qu'est-il d'origine poteau feu, je veux dire. Vraiment, ce qu'il envoie, c'est incroyable. Ouais, le ballon est dans les pieds des hommes blaugrana. Barcelona Jazz Orchestra Experience. Attention à cette reprise d'un pont, c'est parti. La contre-attaque d'Arsenal. Arsenal, il se retrouve quand même à 4 en attaque avec Nazri. Il faut aller à fond de ses actions. Il faut aller. Oh, quel retour! Quel retour de Georges Abitbol! Retour magnifique de la défense catalane. Et attention, désormais, Arsenal est réduit. Et réduit à foutre Zeus. À fond. Break. Non, il n'y a pas de hors-jeu pour l'instant, mais attention à qui prendra ce ballon sur la droite, c'est fait. Ils vont marquer, c'est impossible, oui, c'est indéniable. Ça se sent que ça, c'est ça, que le Barça, c'est Barça. Barça est là. Oh, à gauche, André Treo. Barça. Qui va tirer les premiers? Oh non, là, au-dessus. Ah, ça va être ça tout le temps. Des possibilités féroces, des possibilités énormes. Et attention, Barça, tout énerve. Pas de précipitation. tout de suite le journal. Eh bien, bonsoir. Ce journal, ce soir, en compagnie d'un ami qui va partir, qui va faire la route. Bonsoir. Et je voulais lui rendre hommage avant qu'il ne parte vers l'aventure de l'actualité, car il est journaliste reporter. Bien ce match, hein. Alors, Alexis, tu pars mais t'arrêtes le journalisme, c'est trop de la merde. Ouais, je... Combien là? Souffrir. Ouais, c'est ça, ouais. Le souffle, c'est une question du 36-12. Ouais. Une autre question du 36-12. À quel moment vous avez décidé d'arrêter le journalisme? Combien là? Pour toi ici. Il m'a marqué, il m'a marqué. Oh, yeah. Merci pour cette petite intervention, pour cette petite aparté. Et décidément, Magnolia est en train de se faire laminer le bulbe du côté de la surface de réparation anglaise. À chaque fois qu'il y a eu une... Oh, il n'y a pas hors-jeu, là, c'est quand même c'est limite. C'est et belle, jeu, oui. Belle intervention de Magnolia, qui a ramassé une fois de plus c'est un petit coup dans la tronche. Oui, une cramponnade. Oui. Comme la chiffonnade, c'est la cramponnade. Méfions-nous de cette équipe anglaise qui a encore quelques ressources, comme nous ici même. Sportaz Sur, Sportaz Classique, Sportaz Expérimental, Sportaz Live, tout le monde est là ce soir. Ouais, non, on est bien là, on est tranquille, on est prêt. S'il doit y avoir des prolongations, des tirs au but, on a le peps, on a le bon stamina, on a tout ce qu'il faut pour ça. Camp Nou, bien sûr, en nous. Et en vous, grâce à vous. Attention, Arsenal, tu joues avec Fuego. Oh là là, oh là, Arsenal, tu joues avec Fuego en Alcacha. Fuego en Alcacha. Aïe, aïe, aïe. Pas bien. Mais voilà, on se magnifique avec. Cette fois-ci, ne pourra la prendre. Récupération des joueurs de Barcelone qui n'est autre que Paquito Ramírez del Fuego en Garzón. Je voyais qu'il va chercher maintenant. Et tout est possible, tout est possible. Ça dans la surface. Aguasingas, Aguasingas, Aguasingas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Messi a tenté beau truc, mais il a été contré par les Anglais qui récupèrent ce ballon. Ouais, il a tenté un tir, il a. Ce qu'il sait faire depuis qu'il était dans l'axe. Il est né depuis qu'il est petit. Oh, c'est bon. C'est bon pour Barça. Barça qui pousse à mort. Et oui, réduit à 10. Arsenal ne conserve plus la balle. Et forcément, s'expose aux attaques et aux contre-attaques de cette équipe féroce qui va aller lui planter les dents dans le but. 62 minutes de jeu déjà, Jacques, hein, si je ne m'abuse. 62 minutes de jeu, 63 pratiquement, et tout de suite nous partons au cirque. Il est temps de relancer un petit peu cette émission qui... Eh ben alors... Eh ben alors, les gars... Mais Minou, arrête, Minou. Qu'est-ce que ce chat a grandi, quand même. Allez, continuons de grignoter ce petit match ouais. En milieu de semaine. C'est vrai. Le lendemain d'un lundi. Comme un petit gâteau difficile. Sec, un peu ici, hein, il se mange ce match. C'est vrai, craquant quand même. Mais... Ouais, pas trop ouais. Étouffe. Ouais, quand même, c'est vrai. Avec un petit liquide houblonné. Comment je disais avec un petit liquide houblonné, mais ne le prenez pas comme ça, monsieur. C'est pas la peine de hurler comment dans le poste. C'est vrai, ça. Non, dans le micro, même. Dites donc. Avec une remontée magistrale. Ah oui, il est bien pris cette fois-ci. Lady Lionel, mais Arsenal, ça ne sait plus comment se débarrasser du ballon intelligemment et surtout essayer de le conserver quelques instants. Cette fois-ci, là, quand même, quelque peu, puisque c'est récupéré sur le côté gauche par Nadine. Nadine Cerise. Ouais, bah, oh, qui est passé, mais qui ne passera pas par là. Oui, en face, il a quand même des défenseurs comme vitesse, pugnacité, intelligence tactique et technicité, ce qui fait quand même beaucoup à passer. Vous comprenez? C'est précisé, je l'ai noté. C'est très bien. Avec Paquito Ramírez. Il sera présent jusqu'à la fin de cette partie. Que c'est la pelota para la Barcelona. La pelota, la magnifique. La du côté de Barcelone, attention, ne pas se faire niquer la gueule. On joue trop les mêmes phases de jeu. Un petit peu, oui, Jacques, c'est vrai. Le fameux débordement dans la surface et le centre en retrait. Oui, au bout d'un moment, effectivement, ça devient assez facile à anticiper pour le défenseur. Ta gueule. Deuxième mi-temps tout à fait intéressante avec 5. Ah, nous gagnons de l'auditeur et ça j'aime beaucoup. Je sais que nous en avons perdu pour multiples raisons, des accidents, il y a eu bien évidemment tout un tas de choses, des coupures d'électricité, des abonnements qui ont été là, bien évidemment, nous perdons des auditeurs au fur et à mesure, ils sont pauvres de plus en plus, et voilà ce que c'est que de travailler pour la pauvritude, avec le ballon qui est remonté par papa, par Arsenal, oh là là, avec Tarzan. Tarzan qui prend la balle, ouah, le petit pas. Chita est par là, ça circule à nouveau pour Barça. Barça qui monte. D'accord les gars. Merci. La production, vous voulez quoi exactement comme... Voilà. On est libre de la jungle. Le ballon est remonté sur la gauche avec Paquito Ramirez. C'est ça, c'est ça la tendance en ce moment. Il semble. Samedi, ce sera un peu ça. Le corps. Ah, tiens, les secondes de Barça. Les secondes. Non, quelle parade une fois de plus de Magnolia. Magnolia. Et Jean-Louis qui met les mains devant la caméra. C'est quand même. Jean-Louis, quel enthousiasme dans le jeu. On ne revoit pas cette action, c'est la même retentée. Non, mais c'est pas possible qu'Arsenal s'en sorte sans en prendre un second. Sans en prendre un second, c'est pas possible. Non, c'est pas. Non. Tu tiens pas, il reste 24 minutes à jouer, tu tiens pas 24 minutes à deux actions dangereuses par minute, Jack. Non. Ça va se jouer sur un. Ouais, ça va se jouer sur un. Exactement ça. Attention, il arrive, le voilà. Le but est là, le but est annoncé, le but en roi avec ses chacos. C'est pas fini. Si, c'est fini parce qu'il a fait une main. Voilà, merci. Prends un peu de yaourt, moi, tiens. Yaourt. C'est pas tout à fait ce que j'ai demandé, mais bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Lady Lionel a fait un magnifique amorti de l'épaule. Et l'épaule étant considérée avec le bras, quand les bruits auront cessé, je finirai ma démonstration. Merci les gars. Nasal. Je vais faire des bruits nasaux que des bruits nazis, Jacques. Les potes sont de retour, hein. On l'a vu dans les rues, apparemment dans les esprits aussi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, je vous entends venir même, vous voyez, c'est plus que ça. Le ballon est dans les pieds de Joaquim do Fernandes de Habitación a Pavien Modere, qui a donné la balle. Merci pour cette petite aparté musicale. Et la remontée de Barça avec Dom Patillo. Oh, Dom Patillo, c'est goal. Cette fois-ci, c'est goal. C'est beau, oui, Jacques. À force, il fallait que ça rentre. Boutada Barça, ici à Camp Nou. Et Boutada Barça. Goldi, architecte buteur entre le 20e siècle et le 21e siècle, a marqué l'âge d'or de la structure action de but. On revoit ça au ralenti. Goldi finissa sa vie grâce à de grands mouvements techniques uniques en son nom. Penalty. Que d'HEC. Eh bien, oui, le FC Barcelone prend l'avantage. Classique. Votre rendez-vous en direct. Bravo. Bonsoir. Bon travail d'Andrés Iniesta. C'est lui déjà qui avait donné un très bon ballon à Lionel Messi. Ah, caché. Ça nous fait. C'est confirmé, hein. Pour nous, ça nous fait prolongation, les gars. Ah, bah oui, on avait annoncé, mais il y a encore du temps. Ouais. À part ça. Très élégant, tout de même, qui n'a pas. Mal joué pour rapidement marquer ce but égalisateur entre les deux équipes, c'est comme si c'était 0-0. Oui, enfin on rappelle quand même que Arsenal est réduit à 10, Jacques, et c'est pas le moindre qui est expulsé ou qui s'est fait expulser, c'est quand même Van Persiel, celui qui normalement donne le goût de l'attaque à cette équipe d'Arsenal, et là elle se sent un peu démunie, la petite. C'est vrai, le Barça hyper dominateur. Oh là là, plus des grands maintenant, des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, quel pénal, Que non, pénal. Et Arsène commence à se poser de sérieuses questions. Si, on dirait qu'il y a pénal. On s'embrasse, on chante dans la tribune, mais on est dépité du côté d'Arsenal. C'est la débandade, c'est la Bérézina, c'est Waterloo en une même soirée. Ça juste vite, après avoir égalisé, crac, tout s'écroule. Ouais, il y a un petit peu des deux côtés. Et du joueur, c'est chat, Jean-Louis. Ginette Chamac. On a vu ça gentiment ralenti. Ouais. Effectivement, un ballon bien donné une fois de plus par Simon Javi. Qui a bien mis dans la profondeur. Pour la serre. Penalty, oui. Attention, il est là. Lady Lionel. My love is in the world. Égal, égal. Le scénario de l'an dernier se répète, mais différemment. Après avoir ouvert le score, ils en prennent encore grand grand. Barcelone est trop fort. Ouais, ce sont la mort pour ces petites équipes anglaises. C'est les matchs de la muerte. C'est le torero grave, le coup fatal. J'ai écrasé la tête par terre. Et voici comment, après avoir chanté quelques instants l'égalisation d'Arsenal, nous nous entendîmes fredonner le troisième but barcelonais. Oh, c'est la piquette à René. Bonsoir, deux curls crème s'il vous plaît. Ah oui, on arrête tout, merci. Les gars, on prend le boulot. Deux morceaux de sucre s'il vous plaît. C'est très mauvais pour la santé. C'est pas grave, on s'en occupe. Allez, on arrête tout les gars, on prend le boulot, arrêtez la musique, c'est fini. Oui, parce que bon, c'était sucré, oui. Ah, là, dis donc, 4 buts. C'était Chamal Ouest. Ouais, c'était un peu ça, ouais. 4 buts. Voilà, ça valait le déplacement pour Arsenal de reconsidérer le match aller. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait pas de mal, un bon petit match de 8ème de finale. Ça, même si bon, ça tartine un peu, ça prend des buts partout. Oui, ça va, ça commence. Ça commence à faire lourd, hein, pour Arsenal. C'est dur pour Arsène, surtout c'est dur pour Arsène, tu vois. Je comprends un petit peu qu'on s'étonne. Ouais, parce que il n'est pas dit qu'à 11, effectivement, la partie serait au même niveau maintenant, tant le Barça est hyper dominateur. Hyper dominateur. Ah, c'est maintenant qu'il fait rentrer la machine Archavine. Excusez-moi, docteur Willoughby. Vous avez une minute. Ah, mais c'est pas moi. Vous vous trompez, monsieur. Je ne suis pas le docteur Willoughby. D'ailleurs, si jamais. Je n'irai pas voir ce docteur-là, vous voyez. Et Dick Fool, c'est. Monsieur Dick Fool non plus. Jackie, réglez vos problèmes, s'il vous plaît. Ouais. De docteur traitant. C'est cul. Changement du côté. Arsène a mis du temps, hein, quand même. Il a attendu de prendre. Oui, à réagir, je trouve qu'il a mis un petit peu de temps. Il a été frileux, Arsène. Et c'est vrai que l'expulsion de Van Persie a dû modifier pas mal ses plans. Oh, pauvre Arsène. 100 ans après la mort de Karl Marx, le monde se souvient et s'interroge. Ouais. Le message de l'auteur du Capital est-il encore d'actualité? Ce sera le dossier du journal. Très bien. Tout de suite, hein, le journal, c'est tout ça. De suite après ce match, Sporta 714, et là ça tartine, hein, ça ouais. Ouais, effectivement, spécial hein, ça, Karl Marx. Karl Marx. Moi j'ai vu sur le score, mais je ne sais pas. Et ça y est, ça se disputazione. Disputazione maintenant de la pelusa à cause de que mierda de sol. Que ça doit être douloureux. Non, ça va. Ça va, il est pas mal. Pourquoi elle dit ça, la dame? Et aujourd'hui, tout va mieux. Tout va mieux pour Arsenal. Enfin, pour Barcelone, pardon. Oui, et puis l'arbitre se tient bien. Pas très bien coiffé, par contre. Oui, mais il n'est pas chez Chantal Joanneau, lui. Et oui, Jacques. C'est toute la différence. Corporate. Ici, n'est pas une pub. Hein. Ouais. Non, ici, n'est pas une pub. D'accord. Du tout. C'est une invitation avec Kalashnikov. Oui, ouais. Cherche Cloud Computing. Cloud Computing. Qui est partout finalement. Presque. Par définition. Au micro, au processeur et au microprocesseur. Enfin, l'eau est là. L'eau est là. Ah, je savais, vous connaissez l'eau de là, mais l'eau est là. Et c'est une première petite attaque toute timide d'Arsenal, hein, vraiment. Oui, très très mince. Ouais. Hein. En string, vous êtes bonne. Du temps, madame. C'est la journée de la femme, mais tout de même. Oh. N'oublions pas aussi, Jacques. Ouais, alors, bon, pardon. J'ai dit, il y a un expulsé du côté d'Arsenal, c'est vrai, mais n'oublions pas que le but. Oui. D'Arsenal a été marqué par un Barcelonais contre son camp. C'est exactement ça, tu as raison. Comment dis-tu? Contre son camp. Oui. C'était exactement ça, ce but a été marqué contre son camp. Et donc on peut vraiment l'attribuer à une qualité de phase de jeu de la... Arsenal a été très timide ce soir. On n'a pas pu faire autrement, mais Arsenal a été. Ouais. Je pense qu'Arsenal a été très timide ce soir. Timoré, peut-être impressionné. Oh. Avec Daniel Alves qui Avec Daniel Alves. Oui, ça rejoue là. Brett Sinclair. Ça récupère. Oh, ah, ça nous voilà. La défense anglaise. Oh, t'as vu, c'est une 2, mais à. Hein, à contre-temps. Une 2 à contre-temps. Magistral, c'est pas passé, mais c'était magistralement exécuté. Allez, on a encore quelques minutes pour. Plaisir, pour ces Anglais, on sait pas. Mais bon. De souffrance pour les Anglais, sauf s'ils venaient à marquer maintenant. Sur coup de pied arrêté, peut-être. Oui, enfin, arrêter les coups de pied aussi. Avec Nadine. Nadine qui est temporaise. Temporaise va chercher Jeannette double face. Qui met derrière pour Jeannine. Jeannine qui fait contre. Oh, Jeannine qui s'est fait sécher par Paquita. Ah, elle aime pas ça, Jeannine. Hein, pas bien. Que faire, Jacques? Que faire pour Arsenal? Alors, soit faire entrer un joueur tout neuf. Tout attaqué, attaqué à mort. Et puis tout neuf, tout, donc tout attaque, ou 5, tout attaquant. Au point où il en est. Moi, aller marquer 2, 3 buts, faire peur à cette formation. Non, il faut obtenir un coup de pied arrêté, quelque chose, un corner, un coup franc, que sais-je, un penalty, on ne sait pas. Il n'y a que Charavin qui se bat du côté d'Arsenal. Effectivement, il a... Il a ensuite été en position de hors-jeu, pas lui, mais un pote à lui. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire du hors-jeu, c'est le ballon qui est arrivé après le joueur qui était rentré. Et si possible, ça restera comme ça pendant longtemps. Hein. C'est une sale histoire qui dure. Sortie du chèque. Et on fait rentrer. Ah, on fait rentrer, je pense, un autre attaquant quand même, peut-être. Ouais, un truc, voilà, un mec qui salade tout, qui met le boule. Bentley. Ouais, George Bentley. Qui rentre pour Arsenal, il me semblait que c'était même l'attaquant titulaire, tu vois. Bon, je comprends pas très bien à quoi jouer Pépère là sur le coup. Il doit regretter d'avoir titularisé son Van Persie là qui était pas tout à fait frais. Non. Et qui en plus lui a foutu la baraque en l'air. Et on va dire qu'il reste un quart d'heure et ce sont les Spanish. Les Spanish qui mettent le feu dans les jeunes Anglais. Réduit à 10, bien sûr, plus difficile. L'Espagnol, le Catalan, la Catalogne. Oui, mais bon, vous savez comme je suis, moi, de nulle part et d'ici, vive oui, d'ailleurs. La liberté avec nos amis. C'est pas gol, pas gol. C'est magnifique, Magnolia, hein, qui a sauvé 4, 3, 5 buts, je ne sais pas combien maintenant, mais que s'il n'avait pas été là, l'addition était plus sévère. Et Arsenal qui court après la balle, qui n'en peut plus, qui s'évertue. Ils ont pète de galoper après le ballon sans pouvoir toucher le rond. Oh. Ouais, allez, intervention de Monsieur Timeshift. Ouais, ils peuvent le toucher que quand le ballon est arrêté pour les coups francs, tout ça. Alors là, ils viennent le tâter un peu le ballon. Sinon, ils n'en ont pas tripoté depuis le début de l'après-midi, voire de la journée. Ralenti, pas tout à fait nécessaire, Jean-Louis. Ça, c'est statistiques. Pas, effectivement. Les statistiques, s'il vous plaît, merci. Jean-Louis. Combien tu dis? Oh là là, abyssal. Agir. Voyager. Ouais. Rencontrer. Oui. Choisir. Oui. Entreprendre. Alors. Personne sondée pour les sondages sur la présidentielle. Oui, ça, ça. Merci les gars. Nous arrêtez. Sondés, là. On le sentirait, non, quand même. On nous aura appelé. Le ballon est sur la Barcelona, à droite, à part Ramblas qui demande à part les Pérez-Pérez-Gachetto. Ruc Castillas, à l'Espagne. Entendu, je vous rappellerai. D'accord. Écoutez, vous faites comme vous voulez. De toute façon, nous sommes là de temps en temps. Et le ballon est reparti sur la droite. Oui, sur la droite, il est hors jeu. Nous l'avons vu, nous. Alors imaginez le professionnel et l'arbitrage. Monsieur avec le bras droit là-bas, monsieur Timecode. J'ai pas vu, hein, Jacques, c'est sûr. Timecode, télé. Ouais, bien sûr. J'ai pas vu la barre. Ah, un peu de musique pour se détendre. Nous allons pénétrer dans les 10 dernières minutes de cette confrontation. Arsenal est qualifié. Mais attention, attends, il faut que je vérifie quelque chose là. Toute fin un 3-2, Jacques. Oui, un fois. But d'Arsenal, c'est Arsenal qui est qualifié là. Évidemment. Et oui, évidemment, c'est pour ça que je parle de l'intérêt pour cette équipe ah, en. Mais... Pardon ah. C'est toi, Brett. Alors récupéré par la formation Blaugrana qui va essayer de se mettre à l'abri. Et oui, qui ferait bien d'ailleurs de se mettre à l'abri avec un but supplémentaire. À 4-2, ce serait enfoncé jusqu'au bout. Mais là, si Arsenal vient à marquer un grand. Attention derrière toi. Ouais, merde. Maintenant, feu. Allez, allez. Au bon début. Allez, encore un. On arrive, hein. On finit le match, on arrive pour le tournage. Oui, oui, on est là. Hein, on est là, moi je veux du but. Un petit but. Bon, quoi qu'il en soit, on est sûr qu'il n'y a pas de prolongation désormais. Hop, c'est certain, nous sommes. On change de plateau, on me dit. Ouais, on change de plateau. Merci, arrêtez-moi ça immédiatement. Que le FC Barcelone est en train de se qualifier. Oui, oui, oui, mais nous là, qu'est-ce que c'est que ça? On se disqualifie, nous. Le fil au bar. Minute de jeu intéressante hein, qui va arriver. Elle n'est pas tout à fait là. Il y aura encore de beaux espaces pour ces Catalans, hein, plus incisifs maintenant que. Les Anglais, oui. Non seulement attaquent, mais ils sont toujours réduits à 10. Catalan ou catarapide, c'est ça le truc. Du moment que c'est catamaran. On n'a plus le chronospeed, je ne peux pas vous répondre. Ah, il peut être assez fier du vol, l'élégance. Hein, tu vois, c'est gris, c'est noir, c'est blanc, c'est coordonné. Le manteau qui rappelle la cravate, le gris qui vient. Ah oui, un côté Mourinho. Hein. Un peu. Oui, l'élégance, sobre de. Beckenbauer, hein, le précurseur. Ah, le Bavarois. 10 après l'expulsion de... Qui a été expulsé ? Deuxième client pour son 747-8. Non, c'est pour toi, 714 seulement, madame. Précisément, mardi 8 mars. Attention, attention, attaque de Barcelone. L'attaque de Barcelone, je ne sais pas, j'ai une passion. Ça, à côté. Oh, à côté. Mais non, mais ça veut dire qu'il va y avoir encore du suspense. Hein. Mais bien évidemment. Exact. Bonne réponse, Jacques. Ah oui, c'est une excellente idée, ça détend. Le suspense, nous arrivons dans le suspense. Here we are. Come on Arsenal. Forza Barça. Forza Barça, Forza Barça, Forza. On voit ça gentiment Valentine, il l'emmerde bien quand même le défenseur. C'était le 20 contre le 20, c'était une belle bataille. Il l'emmerde bien jusqu'au bout pour qu'il loupe son... Et ça frappe finalement. Et protéger ainsi son gardien de but. Pago. Côté anglais, on va essayer de renvoyer de la purée sûrement. À peine a-t-on le temps de passer un ralenti d'une action de Barcelone qu'une autre se présente à, ce profil, à l'image. C'est hallucinant ce qui se passe sur cette pelouse. Oh là là, là, il y a pas en jeu. Dans la position de tir, mais c'est contré, c'est touche. Ça devient complètement fou. Barcelone essaye de marquer ce quatrième but qui anéantirait les espoirs d'Arsenal. Et Arsenal qui a du mal, mais qui se dit on sait jamais sur une dernière contre-attaque, un ballon tout pourri. Il faut tenir. Le cauchemar d'Arsenal continue tout de même. À 10, ils sont éliminés. Après une partie héroïque où ils étaient qualifiés pendant largement du temps. C'est pas fait, Jacques, c'est pas fait. Havas. Sportas. Non, merci les gars, non, vous arrivez trop tard. Non, vous arrivez trop tard. Il n'y a pas d'action. Les petits dorment et tout là, non. Vous avez dit arriver à 8h là pour l'apéritif, vous avez vu à quelle heure vous arrivez. Non, c'est bon, allez, rien. Merci. Le ballon dans les pieds de Barça, Barça qui tente encore une fois. Et Arsenal qui subit, qui ne peut même plus courir après le ballon, qui laisse se développer. Ah, ça commence, merde. Ah, putain. T'as la bourre, Jean-Louis. Ah, Jean-Louis. Et le quatrième, le voilà, non, parade une fois de plus du portier anglais, monstrueux Magnolia, qui en même temps s'abat. Nous allons revoir ça au ralenti. C'est là, c'est là. La parade. Pagol. Ouh, ça fait flipper. Arrêtez, ça fait peur. Arrêtez, j'ai peur. Oups, ça y est. Ah, Un coco 10 minutes annonce que c'est cuit. Ah, Jean-Louis, mais pas des trucs comme ça. Il est con ce Jean-Louis. Regarde-moi ça, le pâté qu'il nous met sur l'écran alors que ça joue Kellan. Ouais, c'est vrai qu'il y a un sacré pâté. Jean-Louis. Plus les sponsors, plus le score. C'est plus du sport. Ballon que Barcelone qui essaye maintenant d'endormir son adversaire pour mieux le piquer dans le sommeil. Maintenant, tu dors, tu n'écoutes plus que le son de ma voix. Purée bis. C'est ça qui a bouffé après, là. Merde. La balle sur la droite. La pelota sur la droite. La pelota sur la droite. Parra, picotino. Picotino, mec, qui a fait picotino. Oh, c'est magnifique. Allez, c'est le bon. Oh, oh non, trop non, gourmand, non, trop oh, technique. Non, trop altruiste, même, sur le coup. Fumeur ou non fumeur? Fumeur. Ralenti ou non ralenti, Jean-Louis? Il aurait pu tenter le coup tout seul, Daniel. Là. Et finalement, il donne ce ballon, mais personne n'est là pour le reprendre. Merci derrière, vous faites des efforts, je sais, mais des fois, essayez d'espacer. Des choses derrière. Espacer des choses. Et automatiquement. Automatiquement, ce sera plus naturel, ça doit être ça. Los Ingles, para la pelota. Nou camp que estamos muy felices de la performance de la equipa de Barça. Bien, muy bien. Y la calificación está cuadri. Muy bien. La confianza. Muy bien. Bien para el cuarto de final de la Liga de Campeón. Cállate. Verá. Oui, Vera vous-même, monsieur, vous êtes vous-même un Vera. Et je m'inscris en faux. Absolument, je m'inscris en faux. Le ballon, balle. Je t'ai dit une centaine de fois de ne pas laisser tomber le baseball n'importe où par terre. Oui, ben j'ai pas eu le temps. Oh, regarde le match. Il n'y a pas de pénal, il n'y a pas de goal, c'est incroyable. C'est pas pénal. Oh, il n'y a pas de goal. Non. Oh, Arsenal, la baballe de ma match. La coutoune, la toutoune, la papa, la baba, la mamatch. Oh, comment a-t-il pu louper ça? On sent que les choses peuvent encore basculer. Ah non, c'est la seule action qu'a eu Arsenal et c'était là. Lionel l'a fait. Crochetto, double. Crochetto qui te coupe les reins. Dans l'axe, sur le côté gauche, la centrée. Ils savent même plus s'il faut tirer, se faire la. Ils savent plus. Ils sont un peu décontenancés, les joueurs de Barcelone, et c'est le problème, tu vois. Je tire, je fais la pince. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, madame, mais je ne peux pas vous dire, je n'y ai jamais été, donc je ne peux me prononcer, voyez-vous. Moment difficile pour les Anglais qui avaient une occasion, et peut-être à l'abandon, j'étais là. Ah, le mauvais contrôle. Ouais. Le mauvais contrôle d'entrée, à la limite, valait mieux qu'il tire direct. C'était bien vu, dommage. Conduite de balle, zéro, permis retiré de conduire le ballon. Il avait loupé l'occasion énorme. Il avait loupé la balle de. Et pendant ce temps-là, il y a du changement. J'ai vu Elise Moon dans la tribune, je me demande ce qu'il fout là. Et on fait rentrer Salif Keita pour un dernier petit morceau de musique sympathique là pour la pelouse. Pour emballer, voilà, merci Salif. Il va nous jouer un petit quelque chose là, c'est sympa. Vas-y, ça, Salif. Salif de Keita. Musique libre. Ah oui. Non, c'est parti. C'est parti. Non, arrêtez là. Je ne tiendrai pas. Je vous rappelle que nous jouons à la 88e minute. Non, on est un peu lourd. Oui, c'est un peu lourd à digérer. Voilà. Remonte-moi le niveau, Jean-Loup. À ce moment de la partie, les deux équipes ont encore un brin de folie, encore des ressources techniques, voire morales, voire mentales. Ouais, non, et donc mais... tout est encore. Non, mais Arsenal va se faire éliminer, Jacques. Arsenal va se faire éliminer. Mais avec 2-3 buts d'écart, tout est important. Chaque année, l'Arsenal, tout petit club londonien, tout de même, grandit, alors que le Barça, c'est toute une ville. Comprenez, l'écart énorme entre ces deux équipes, ces deux budgets, ces deux profils, mais les deux belles équipes sont là. Bien au rendez-vous ce soir d'un match mythique avec l'os del Barça qui rentre à la surface de la nation. C'est un dos de Lionel qui le fait à quoi la Maradona. Estupendo. Moi je ne sais pas ce qu'il a voulu faire avec la balle, mais contournar tous les défenseurs. et finalement s'est fait prendre. Nous sommes dans les arrêts de jeu à l'instant même où je finirai cette phrase. Nous y serons, c'est pour ça que j'ai commencé à la dire avant. Nous y sommes bientôt, mais préparez-vous car ça peut durer un petit moment. Ce n'est pas complètement fini. Le temps additionnel vient quand il veut, vous le savez. Un peu comme Sportaz cette année. Ok. Emmanuel, elle est là ? Non. Et encore changement, mais combien ils font un changement ? Ils changent quoi là ? On fait... de changer le score aussi pendant qu'on y est. Adrienne qui sort, hein. Et... Adrienne. Adrienne. Adrienne. Adrienne qui sort. Non mais, on fait rentrer un petit café sympathique. Hein. On va prendre un petit café pour la fin de la, pour la fin de la rencontre. Avec Pépé Maxwell qui rentre. Ok. La récupération du ballon par Arsenal. Il faut y aller les Anglais là, les British. Tant pis là, cette fois-ci là, le beau jeu, on s'en fout. Vous lancez tout devant, vous sautez dans la surface. Voilà. Et ouais, non, non, là je comprends pas trop quand même, tu vois, cette, le beau jeu jusqu'au bout. Non, non, à un moment donné, faut sacrifier, tant pis, et tu joues le coup du sort. Quoi. Ce qu'il tente là à l'instant, on balance un petit peu rapidement. Ce centre est vite contraire, attrapé par Ryan. L'élection de performance qui conserve la balle magnifiquement bien sûr et qui peut la donner avec un joli amorti de la poitrine. Ils sont choux, la pelota technique, por favor, el caviar. On fait tourner gentiment, on va faire courir encore un peu plus les joueurs d'Arsenal qui n'auraient pas assez galopé au cours de la partie. Mm-hmm. C'est terrible ce qu'il arrive. Oh, joli, joli recul naturel, très beau. Ouais. Merci Jean-Loup de nous capter ces instants de turpitude du foot. Avec Miguel Paquita pour la señorita Ramirez. Miguel Paquita para la señorita González. Señorita González que donne por Margarita Paquita. Margarita Paquita. Se la pelota, se la pelota, nunca. Soy bon de bordante, se le de bordante de Paquita. Margarita. Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image que nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Ok. Pauvre madame, vous avez parlé dans un brouhaha comme moi d'ailleurs, là maintenant je ne sais pas ce qui se passe, tout a été coupé. Il y a une espèce de problème. Il nous avons un petit problème son là. Oh. Tout est bouffé là. Ok. Pour vous peut-être, mais plus pour moi. Hein. J'étais fier jusqu'à maintenant. Hein. Bon, mais ça va, t'es. Allez, on récupère les derniers instants de ce huitième de finale, Sporta 714, à la recherche du but perdu pour les Anglais. 1 minute et 10 secondes pour Arsenal pour aller marquer et aller chercher ce deuxième but qui les qualifierait, crucifierait Barcelone. Il n'y aura pas de prolongation et on n'espère pas d'élongation non plus pour ces joueurs qui, étant donné qu'ils sont fatigués au pied. Barcelone surtout qui a eu plus de moult occasions de définitivement tuer ce match qui n'est pas su le faire. Peut-être là cette fois-ci avec Daniel. Daniel Oquet. Daniel Oquet. La Fonseca. Une régale à Fonseca qui met derrière pour Ramirez para Paquita Sanchez qui fait tourner magnifiquement maintenant. Attention, qui part dans le dos de la défense. Ah, le fumier. Bel appel de balle, mais refusé du coup. T'as vu ça, ils se sont mis en place tranquillement et puis d'un seul coup, ils ont progressé, ils ont avancé, ils reposent tout. C'est ça. Et nous aussi, on va tout reposer là. Vous êtes gentils, reposez un peu les oreilles. Avec le ballon dans les pieds de Barcelone, ce match va se terminer dans quelques instants. Plus sereinement tout de même. Nous avons été très heureux de vous compter parmi nous. Nous espérons que vous reviendrez. Nous allons commencer à vous souhaiter une bonne soirée, car nous allons devoir plier très rapidement le matériel. Nous sommes actuellement rechargés. Ce match est terminé. Ce match est terminé. Nous allons brouiller vos IP. Une fois de plus, Barcelone est qualifié. Il faut que l'on plie, il faut qu'on plie. Il faut qu'on s'en aille. J'ai peur. J'ai peur. Qualification catalane. Méritée. Extrême catalane. Fumeuse. Velouté. avoir écouté. D'y avoir été. On se retrouve samedi pour du rugby. Envoie mademoiselle. Au revoir, madame. C'est fini. Au revoir. Il y aura également chez One Square. C'était prévu ça, Jean-Loup. Patron, j'ai trouvé de la dynamique. Rambo joined the United States Army. Rambo was captured by North Vietnamese forces. Rambo is greatly skilled in all aspects of survival. Rambo escaped captivity. Adjusting to civilian life. He got cancer due to Agent Orange exposure. He has extreme case of post-traumatic stress disorder. Rambo is told that his mini war is over. met you on softwood steps and the life left you. I never thought I'd be living without you. Oh, you slime me. Yeah, you do. Oh, you slime me. Yeah, you do. Rumors and don't tells of what might have happened. You can say anything, but it's not the end. Oh, I never thought I'd be living without you. les comptes. 4, 3, 2, 1, décrochage. C'est maintenant. Sportage 700. Non. 700. Non, 15. 715. 15. C'est du rugby. 15 heures. 15 heures. 15 heures. 30. 30. C'est pas pareil. Sportage 715. C'est bien. Dans quelques instants. Ah, je ne vous dis pas quoi, Jacques tourne, mais. 700. Je vous ai tout pris. Connexion Jackie, Jean-Louis, David, Jacques, c'est moi. Il s'appelle. Je vous dis que ce type, même quand il y est, il y est. Alors attention, écoutez ce son. Ça va pas écoutez facile. La bouilloire. On écoute la bouilloire de Radio Sportaz. Et dès que ça siffle, c'est que l'eau est chaude. Hein. Dans quelques instants, le time shift. On pourrait aller chercher le café. Tournoi des Shift Nation. Rugby Live Sportaz 715. Et on ne vous le répétera pas, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes le 12 mars 2011. En direct live. Nous sommes en direct. Pardon Jean-Louis, t'as un petit message à nous faire passer ? Oui, vous voulez. Green Business, une heure pour changer la planète. Ok, on y va, bien sûr, le Green Business avec Sportaz. Ah non, pendant plus d'une heure. Rue le... Business. Ouais, le Rue Business et tout est vert, y compris oui. La pelouse. Oui, ben la musique aussi est verte. Ah, derrière, là, si vous pouviez m'arrêter ce tintouin, là, j'aimerais quand même qu'on se retrouve. Je vous rappelle que nous sommes à Rome, dans le petit... Oh, ça siffle, ça y est, c'est bon. Allez, tu peux éteindre la bouilloire. Merci, nous sommes Jacques. Dans le petit stade, on n'est pas au stade olympique, Jacques. Hein, le rugby n'a pas le droit, n'a pas le droit au stade olympique. C'est le stade de Flamino, très exactement, aujourd'hui, où oui. Il fait un temps enfin, magnifique. Où l'équipe d'Italie va trembler. Non, non, non. Pardon. Non, non, non. C'est non. Pas le... Non, j'ai trop écouté la télé. Alors, pour ceux qui ont la télé en noir et blanc, là, pour les drapeaux, vous démerdez. Hein, vous mettez qui vous voulez d'un côté ou de l'autre. Si vous n'avez pas la couleur... Ça va être difficile. Ah, oula, ça y est, ça usine. Ah, les hymnes. Dans quelques instants, mais non, les hymnes, avant, après, enfin, je veux dire, on peut... Oui, les hymnes n'est pas, hein, les gars. Aujourd'hui, les moi, je serais ces deux équipes, j'aurais offert une minute de silence pour qui vous savez, au soleil levant. Rien ne dit que ça ne va pas être fait, Jacques. La minute de silence est toujours après les hymnes. Et je t'emmerde. Comme quoi, il ne suffit pas d'y avoir du soleil et du vent. Hein. Le soleil et le vent n'empêchent pas les tremblements de terre. Est-ce que Baggio joue? Parce que il y a quand même une sacrée belle équipe d'Italie avec Buffon dans les buts. Nous avons également Baggio devant, milieu du terrain Gattuso. Enfin, une sacrée belle équipe d'Italie quand même en face. Chianti, ah non, il y a du monde. Ah hein. Si, Chianti Pasti qui joue avec sûr, tout le monde qui est là, tout le monde. Chianti Pasta. Ils seront tous là aujourd'hui, les Italiens prêts à tout mixer, malaxer, remixer sur le terrain car les Français sont une proie facile. Hein. Oui. Alors, ça va pas être véritablement un match de rugby. Hein. Ça va être une espèce de chamaillade général, vous allez voir, une espèce de bouillie de rugby dans laquelle il sera très difficile de comprendre quelque chose. On dit qu'on a un hymne quand même. Ah, hein. Piétiner, moquer, parce que nous ne sommes pas un peuple, parce que nous sommes divisés, reliant à nous un seul drapeau, un seul espérance de nous unir tous ensemble. Enchaîne, René, enchaîne. Oui, déjà bah... l'heure sonne. Rassemblons-nous en cohorte. Ça fait peur ce type d'Italien. Nous sommes prêts à mourir. Mais tu sais qu'il est sérieux, l'Italie nous appelle. En tout cas c'est bien qu'il y ait ce système hein, de kakaraoké. J'ai l'impression qu'il est tout aussi con que l'hymne français. L'hymne. Oh, en général l'hymne hein, n'est pas l'hymne honoron. Ah, écoute, il y a des hymnes parfaitement sympathiques. Non, pays, question... pays de mes fleurs, Dieu sauve la reine, enfin il y a des textes ouais, tout à fait agréables. C'est pas beaucoup plus intelligent, non, mais la fonction de l'hymne, ah, l'hymne n'est pas foncièrement intelligente. Ça y est, ça commence, l'autre, il peut l'énerver, là, ça y est, il va me péter les couilles pendant tout le truc. L'hymnastique. Oui, bien évidemment, merci Jacques, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, dans quelques instants, l'hymnastique. Toi aussi, hein. Toi aussi, tu as stick. Oui, c'est ça. L'entraîneur, hein, les deux entraîneurs, il y en a un qui a bien bouffé, l'autre, par contre, il s'est fait un peu savater. Et l'hymne français retentit, me semble-t-il. Ah bon, c'est français alors? Enfin, il y a plusieurs hymnes. Hein. Ou alors, c'est la minute de silence, c'est la fameuse minute de silence. Chut, nous aussi d'ailleurs. Ta gueule. Green business. Ta gueule, salope. ça y est, c'est fini. Vous pouvez revenir, public, chéri, public adoré. Tu peux revenir parmi nous. Reviens, Minou. Une minute, c'est une minute. Ah hein, ouais, c'est vrai que le public est sérieux. Ouais, Alors, c'est une minute de silence tout à fait exceptionnelle, puisque tout a recommencé et il y a encore le silence. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe réellement? Quand même. Alors, interview, Jean-Loup, interview. T'es con. Oh là là, derrière, qu'est-ce que c'est que cette sauce que vous m'envoyez? C'est pas de la béarnaise, c'est pas de la barbecue, c'est de la sauce musicale, on écoute. Eh, c'est ça le rabalement. si on veut dire, c'est le disco rabalement alors. Alors que dans quelques instants, les time shift. N'oubliez pas, hein. Oh là là. Le time shift, le seul moyen de pouvoir recaler l'image sur le son. Time shift. Vous avez la DSL, vous avez le petit boîtier qui va bien, vous avez la télécommande qui marche bien. Vous allez faire un stop image et vous allez attendre que nous disions time shift et vous serez synchronisé avec Radio Sportage in Live. Bravo ! On arrive. Porte à 714, 15, 16, 17, le temps passe vite. Oh là là. Oui, peut-être un 716 ensuite. On ne dit rien. Chut, chut, chut. Voilà. Match avancé, peut-être. Je ne voudrais pas m'avancer. Ouais. Ça va partir, attention au time shift. Je surveille, t'inquiète pas. Continue de préparer la cuisine. Je m'occupe du time shift. 5, 4, 3, 2, 1. Tournoi destination entre l'Italie et la France. Et c'est parti, time shift. Là, on y était. Là, on a été bien. Là, ça, c'est du vrai. Vous avez été nombreux à nous reprocher la piètre qualité du time shift. C'est tout du non. Ouais. Vous êtes assidus, exigeants désormais et parfois un peu cons. Bon, pas plus que nous, finalement. Non, jamais. Jamais l'auditeur est toujours un petit peu en dessous de votre profonde connerie, mon cher ami. Et première mêlée, attention, ça c'est important, la première mêlée, il faut la surveiller. L'Italien joue en blanc. Oui. C'est ça? Oui, mais il a le short azzurri. Il a mis le short azzurri. Oui. D'habitude... Azzurri Zorkaev. Plutôt l'équipe qui reçoit, hein, qui choisit sa couleur d'origine. Normalement, c'est le bleu italien, mais non. Écoute, là, tu me poses une sacrée colle. Et je préfère ne même pas y penser. C'est la mêlée, Jean-Louis, avec ta caméra, tu bouges trop, voilà, tu as foutu la mêlée en l'air et les Italiens jouent rapidement sur ce coup franc prononcé par monsieur bon Madin Japan. Yes, oui monsieur, c'est ce mec. Non, c'est pas tout à fait ça, Jacques. C'est ce mec. Jacques le prononce bien évidemment avec l'accent polonais. Voilà pourquoi on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Et on voit ce qui s'est réellement passé. Polonaise. Ou intervention du foutoir, le capitaine français, qui aurait donc fait un en avant volontaire ou était en position de hors-jeu, ce qui donne une pénalité que le buteur italien va pouvoir passer avec le talon, avec la tête même, et peut-être sans aucun souci. Du foutoir, hein, capitaine toulousain, hein, donc qui n'a pas joué tout à l'heure, puisqu'il y avait du championnat de France de rugby en même temps. Attention, Jacques. Bizarre quand même le rugby, hein, qui se fait concurrence à lui-même. Hein. Non, c'est fou, c'est comme si tu prenais les meilleurs cadres d'une entreprise, que tu les fasses bosser pour un autre projet le jour où l'entreprise a terriblement besoin d'eux. Tu comprends, c'est assez bizarre, curieux. En tout cas, introduction du score pour Italie. Et oui, 3, ouverture. France, 0. Oui, la storia. La grande storia de Marcelo Mastroianni, qui est magnifique là, et qui se fait prendre par... Par là, c'est là où du foutoir, effectivement, était un peu en avance sur son temps, comme il l'est régulièrement. 3-0 pour l'Italie. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je regarde si on shootcast. Ah. Et on shootcast ici. Oui. Je vous demanderai le chiffre tout à l'heure, hein, bien évidemment. Le chiffre du jour, vous savez, c'est mon amour. Je cherche. Attention. Ballon sorti tranquille, hein, oui, les Italiens ballon, sont... C'est vrai que le ballon a été travaillé, Jacques. Oui, bah, ouais, le rugby profite, hein. Est de moins en moins joli, donc on essaie bien évidemment d'embellir les choses qui sont inhérentes à ce sport. Violent, brutal. Qui s'est dédicacé à l'invité surprise aujourd'hui? Oui, bien évidemment, c'est Franck Italy qui est venu nous dire bonjour. Ouais, le voyageur. Franck Italy, voyageur, commercial, VRP, ouais. Artiste et humaniste dans l'âme. Il arrive de mars, hein, enfin du mois de mars, hein, précisément. Bienvenue. Bienvenue, salut. Merci. Peter, ah, je suis, oui, c'est ça, oui. Peter, non, rajoutez pas l'autre, et vous êtes planète. Ouais, c'est vrai que. Ralenti est net, hein, lui, par contre, avec un minu-nu-nu. C'est minu-nu-ni. Oui. Minu-nu-nu. Ah, non, là, c'est qui le buteur? C'est Clara Morgan. Du côté italien, non, tu veux dire? Italien, non. Mignononi. C'est Simeone. Simeone. Simeone. Simeone. Nani. Super Nani, oui. Avec Super Nani Moretto, bien sûr, un grand cinéaste, mais aussi grand rugbyman qui aime bien mettre les mains dans tête, les couilles. Ouais. Pas seulement, et la tête entre les culs, c'est quand même assez fou. Le rugby n'est pas un sport homosexuel, pourtant il y a des positions qui peuvent prêter à confusion. Non, mais je pense que c'est un sport que les mères aiment bien, finalement, et on leur rend hommage en étant entre les jambes. Jacques a accouché d'une sacrée saloperie. Mieux ça que l'âge que de l'avorter. Oh, c'est quelque mieux. Chose. Ce type est dégueulasse. Je le sais que le samedi il est dégueulasse. Mais alors là, je ne m'attendais vraiment pas à cette sortie mouvementée. Le time shift, Jean-Loup, grossis-moi tout ça. Ouais. Voilà, ouais, regardez. Victoire à 4, 16, 17. 4 minutes 18, 16, 18 déjà. 19, non, mais on n'a rien commenté. On n'a rien commenté. C'est quand même fou, ça fait 4 matchs que demain. Hein. Eh ben ça, 3-0 pour l'Italie tout de même. Oui, 3-0 pour l'Italie, Jacques, hein, pas 3-0. Hein, essaye de t'appliquer, d'articuler correctement, s'il te plaît. Attention avec cette montée italienne et magnifique défense française qui te l'a éclaboussé le tunnel de Fourvière et qui a empêché bien évidemment le camion italien de pénétrer en France. Oui, puisque vous parlez de ça, notez qu'un Berlusconi est allé voir l'équipe italienne féminine de moins de 13 ans. Albert Lusconi, tu dis? Berlusconi. Ah, Bébert, ouais, c'est lui, c'est Albert. Ils l'ont laissé rentrer dans les vestiaires. Ouais, il le laisse rentrer dans tout, apparemment, où il est président. Hein. Ouais. C'est pas ça, non? Apparemment, il rentre dans tout, oui. Rentre dans tout. Je pense que c'est le privilège du pouvoir suprême, hein, comme on aurait dit en Libye. Arrêtez, il y a des choses graves qui se peuvent dérouler en ce moment. Le petit livret vert, tout de suite. Ouais. La commission qui, elle, est massivement pro-OGM est en face de ne pas pouvoir appliquer sa politique. Nous allons nous dédicacer ce match aujourd'hui spécialement au peuple japonais qui souffre terriblement. Ouais, comme quoi il n'y a pas que le système qui a des failles. Ce sera une mêlée tranquille entre les deux équipes, toujours 3-0 pour l'Italie qui pour l'instant maintient l'équipe de France dans sa moitié de terrain, l'empêchant de jouer, lui confisquant le ballon, ce qui n'est pas forcément bon pour le tricolore. Le tricolore venu chercher le rachat. Avec la Francia l'attaque mais dans son campo. Jacques, on espère un petit peu de la France, du jeu un peu olé olé, dirais-je. Tu vois, on avait planté 50 points la dernière fois contre les Italiens. Bon, il n'y a pas de raison qu'on n'en mette pas au moins autant. Au lieu du fighting spirit, le playing spirit. Voilà ce qu'il faudrait maintenant un petit peu dans cette formation française qui déjoue. L'Italie progresse tout de même. Oui, ils ont pris 50 points contre les Anglais. Effectivement, on peut dire qu'ils progressent. Parce qu'avant, ils en prenaient 80. Attention donc, pendant ce temps-là, la France moribonde, la France qui se cherche, la France qui doute. On remarque qu'il y a un petit peu de musique derrière, des fois. La touche française, là, elle est bien, elle est belle, là. Elle peut nous permettre une belle action. Belle tribune derrière aussi, quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, une belle petite tribune derrière. Un ciel ouvert qui semble dominer la colline ici de Rome. Bien évidemment, nous nous trouvons dans cette ville éternelle où les amoureux viennent souvent se croiser, se rencontrer, s'aimer parfois. Rome t'accueille. Jour et nuit. Oui, prenez-en, monsieur. Et du champ aussi. Jour et nuit, Rome t'accueille. Non, il joue pas à Champagne, non. Champagne. Non. Un ballon bien monté par la France, mais bien récupéré par les Italiens qui se lient parfaitement pour voir le jouer et essayer de provoquer la défense française. C'est Torino là qui défend bien. Totorino, c'est féroce, un Totorino féroce, il faut le rappeler bien évidemment. Attention, attention, maintenant le ballon vient monter, l'Italia qui attaque, oh là là là, Huguette s'est fait démonter sans que l'arbitre n'intervienne, oh là là, Huguette un jour, Huguette toujours. Donc on essaye de nous passer une radio là. Pour tout vous dire, on essaye de nous envoyer du son. Les contrats qui sont sur plus de 3 ans. Oh là là. Ah oui, oh là là. On revoit cette action. Hein. Bravo. Ouais, Huguette qui s'est fait retourner. Salement, pas tout à fait comme, comme elle apprécie. Ouais, on voit Dominique Rocheteau là avec. Rocheteau, non, c'est Diego Maradona. Hein. C'était Diego Maradona qui était par terre. Est-ce qu'on peut revoir cette image, Jean-Louis? Diego Maradona, regardez, il saute, il est bien Diego, et là, il s'est fait démonter, Diego. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a Chabalski, hein, aussi, pour les Italiens. D'origine polonaise, aussi. Wow, Jean-Louis, on va arrêter avec ce ralenti, là, qui, je te le rappelle, coûte cher, Jean-Louis. Ça coûte cher, le ralenti, et essaye d'en user le moins possible, tu seras gentil, Jean-Louis. Par contre, le score est également... en avance sur son temps, puisque 3-0. Touche-moi, c'est touche-moi, touche-moi, cette musique m'inspire des cochonneries. Du calme, Jackie, du calme. Ouais. Nous sommes samedi après-midi, on ne sait jamais, on peut être écouté. Monsieur Systémique, hein, c'est le système sur Richter, non, enfin pour moi. Moi, je vais demander une Japan, hein, après, chacun son truc, mais moi, le Moi, Japan d'écran et... Japon tout court. C'est vrai que t'as quelques couleurs un peu fan hein, aujourd'hui. Je trouve que France Télévisions ne va pas bien avec, avec ton petit téléviseur. Ballon un petit peu contesté. Finalement, l'arbitre redonne une mêlée au bénéfice des Italiens. Tout va bien. Vous écoutez les programmes de Radio Sportaz et nous sommes très bien ensemble. Sportaz en direct live ce samedi. Combien vous dites? Comment ça, samedi? Nous sommes le 12 mars. Ah ouais. Le 12 mars 2011. Souvenez-vous. Il y en a qui s'en souviendront dans le monde, hein, quand même. Ah, c'est une on a traduit avec Antipasti qui va faire l'introduction par l'Italie. Antipasti qui était hier soir l'impératif de Monique et qui s'en est mis, mais alors, comme il faut, mais sorti du ballon par l'équipe de France. Ouais, confiscation. Ouais. C'est important, Jacques, car la mêlée italienne est peut-être le seul point fort de cette formation. Ouais, allez, les ballons montés par Boucherie pour l'équipe de France. À défaut d'être sexiste, on s'excite côté français. C'est parti. Boucherie qui avait été pris par Carpaccio. Ah, bien. Ouais. Bien. Bien. Des gens bien. Oui. Très fin, hein, Carpaccio. Joueur magnifiquement. Fait. Le sorti avec Clara Morgan pour l'équipe de France. Et Clara Morgan para, bien évidemment. Bien sûr, hein. Et derrière, c'est la bataille, hein, comme d'habitude, vous le savez, on fait des points de rencontre, on appelle ça des points de rencontre au rugby, vous voyez, tout le monde se rencontre, voilà, c'est tout du le monde hub. Vient de se mettre, c'est un peu ça, et puis après on repart, allez, on repart, et on refait un point de rencontre, on se retrouve tous ensemble, voilà, ce sont des apéros flash qui sont organisés sur la pelouse, et ensuite on ressort et on va chez un pote, un peu ailleurs, comme ici avec ce ballon mal négocié par l'équipe de France qui le rend aux Italiens, ceux-ci vont pouvoir se dégager tranquillement, ils étaient dans leur 22, ils peuvent taper direct en touche, ce qu'ils font pas, hein. Minute de jeu, Jackie. Minute, très exactement, minute de jeu avec une montée d'un joueur français qui s'est mis en valeur, puisqu'il a pris 15% sur cette action. Les patrons, j'ai trouvé de la dynamite. J'arrive, petit, on va tout faire péter, t'inquiète pas. Ok, la Franciosa qui t'a chiamato. Boucherie qui est tombée sur Osso Buco cette fois-ci. Osso Buco, Osso Buco qui t'a chiamato. Magnifique, c'est Osso Buco. Mamma, c'est de la Melato. Melato entre la France et l'Italie. C'est une espèce de merde avec Vintimille qui sort le ballon. L'équipe de France, l'équipe de France sort par Vintimille maintenant. Menton, Menton, Nice intervention italienne. Attention, c'est chaud. On déjoue complètement, hein. Oui, le public aussi. Ouais, c'est un peu n'importe quoi sur la pelouse. Je vous l'avais dit, hein, ce serait pas vraiment du rugby aujourd'hui, ce serait une chamaillade. Et ce sont les Italiens qui récupèrent ce ballon, ce qui est assez décevant côté français. Dommage, il a mal joué parce qu'il va permettre aux Français d'aller aplatir tranquillement dans le but. C'est dommage qu'il ait vraiment mangé ce ballon, le jeune Italien, qui n'est autre que... Qui, madame, comment vous dites, madame? Chianti, non, dit. Que j'aille me faire quoi, madame? Aujourd'hui, on apprend... Aujourd'hui, alors. Ouais, seulement aujourd'hui, bien évidemment. Et c'est... Trouduc, hein, François Trouduc, loueur français qui a eu quelques soucis visiblement. Fait prendre. Ouais, avec Morgan Clara Parra. Ce soit dans le désordre. Oui, là c'est dans le désordre. Mais il faut dire que des fois. Oui, ça te trouble. On a vu l'entraîneur australien tout de même, on l'a dit. Ah non, non, non, Jacques, attention à ce que vous dites. Ah, vous avez voulu faire le malin, et là je vous reprends, je vous plaque, je vous retourne, et je vous colle contre le mur. Ce qui veut dire. Que c'est un entraîneur sud-africain, Jacques. Ce n'est pas un Australien. Ouais. C'est Nick Lamalette, c'est-à-dire c'est lui qui a le pognon dans l'attaché caisse. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Nick Lamalette. Dans quel kangourou vous êtes? Ah, c'est incroyable ce qui se passe dans cette émission, dans cette journée, dans cette retransmission. Et nous allons voir tout de suite... Putain, je me suis mal démerdé. Oh, une concession. Ça, faut dire qu'on s'y attendait un peu. Hein. Oh, quel charlotte, est-ce que le public sait pas qui propose une grève. Hein, un intermittent aujourd'hui. Non, une grève, je pense qu'il faut être conscient que le monde va mal. Ouais. Mais comme on n'y est pas arrivé, on a dit on va arrêter le tech puisqu'on peut pas. Voilà. J'ai l'impression que le public fait des minutes de silence à répétition. Hein. C'est sa façon à lui de rendre un hommage vibrant et de soutenir le peuple japonais. Qui... Ouais, c'est reparti avec la Francia au ralenti, hein, la France, on va le dire. Ouais, d'ailleurs, Jean-Louis laisse les images comme ça hein, parce que de toute façon, le seul problème c'est que le match risque de durer plus longtemps. Et déjà une première sortie d'un joueur italien, Blessato qui rentre à l'infirmerie. Tandis que, visiblement, Chabal est passé de l'autre côté. Ah oui, c'est de la tactique. William Sorin, qui est là pour l'équipe de France. C'est l'Italie qui joue cette touche. William Sorin, un des rares, hein, Jacques, à maintenir sa qualité traditionnelle. Hein. Oui, qui est un peu faillot quand même. Sortie italiano avec Baggio, ouais. Roberto Baggio, magnifique, ouais. Roberto Baggio qui va chercher Totto Stilacci qui s'enfonce dans la défense française maintenant. Mais attenzione, è pericoloso, Sporgersi. Sì. Celentano che... Oh là là, sì, magnifique slalom. Mm. Oh, Adriano avec I want to know pour la formation italienne. Et on progresse, on avance, on s'approche de 22 mètres français avec... Et attends, oui. C'est pas du charlot, hein. 3 ou 4, là, il va falloir s'en méfier très sincèrement, Jacques. Le pape. Ah non, il n'y a rien d'italien, lui. C'est vrai. Oh, yes, avec la bonne petite balle, dommage, interception française. Para Clara. Clara Marianne Parra qui lance devant, et là, c'est la course. Les lévriers sont lâchés. Oh là là, un lévrier a claqué. La photo finish, peut-être. Et finalement, ce sont les Italiens qui vont relancer l'équipe de France, et dans le... On a le droit de bousculer le joueur par derrière en train de frapper. Ah, je ne sais pas. C'était dans sa course, alors est-ce que. Ouh là là, ouais, mais Mondard, magnifique. Ça y est, ça s'envole sur la pelouse. Ça y est, ça reprend un peu du poil de l'embute. Bien évidemment. Enfin, on trouve les espaces, on trouve le partenaire. Ah, on y va. On nous, avec l'équipe de France, c'est Claire de Notaire qui prend la course, son adversaire. Claire de Notaire, go. Ouais, il veut faire payer son propre entraîneur pour pas l'avoir sélectionné avant, hein, carrément. C'est sa réponse. First try for France. Coup de pied à suivre, course poursuite. Et magnifique essai. Regarde ça, coup de pied à suivre, il a 2 mètres de bourre et pourtant, dans l'élan, il le prend et il récupère le ballon. Ouais. Goal. Un peu contre le cours du jeu, l'équipe de France inscrit le premier essai de cette confrontation. À un moment où, effectivement, c'est vrai, on peut le dire, le jeu se remettait en place. Mais je n'en sais rien du tout, maman. Mais c'est ce que c'est Brian, qu'est-ce que c'est pas moi. C'est Brian. Et c'est donc de Brian, apparemment, d'après les informations que nous avons, de cette dame que je ne connais pas. Je pense qu'elle voulait dire « et c'est brillant ». Ah non, il joue à Marseille. Alors, il faudrait arrêter de tout mélanger, les amis. Notez, hein, nous l'avions annoncé, hein, Marlon Brandao a eu quelques soucis. Il a dû rentrer précipitamment au Brésil. Vous savez, le joueur de caractère. Visiblement, c'est plutôt Marlon Brandao. Apparemment, c'est pas Brandao, mais Bandao. Il est marié. Hein. Mais pas avec le club. Il a voulu faire joujou, Brandao. Attention! Tentative de transformation de Clara Morgan, regardez là. L'enquête est en cours et on vérifiera si c'est le. S'il a confondu le Brésil ou le Bézel. Non, ou le Barésil, enfin, il faudra vérifier tout ça quand même. Le Bézel, Jacques. Tu es un peu forcé sur la vaseline. Pour nous la faire passer celle-là. Et on va laisser au ralenti. Je peux vous en mettre. Attendez, monsieur. Attendez au moins la mi-temps. Oui. Et ouais, c'est donc la France qui mène 5-3 en demi-finale des Coupes du Monde de football. 5-3 pour l'équipe de France avec des buts de Piantoni, de Manujon et Scoblar. Non, la France a pris son élan. Oh là là, ça y est. Les grands espaces sont là, Tchabar. Ah ouais, les grands espaces. Pau. Viens en but, viens essayer, viens faire la passe, viens. Tchabar. Bow. Oh, but! Ah, mes amis. Ah, mes amis. Non, c'est pas vous que je parle, non. Vous n'êtes pas mon ami, vous, monsieur. Allez-vous-en. Logis pour l'instant. Sentez le camembert. Sommelier et... Camembert qui sommeille, hein, donc. Ouais. 16 minutes 37 38 si vous êtes en train 39, d'essayer de vous régler sur 40, notre commentaire. 42, vous êtes obligé de le faire régulièrement, 44, vous le savez bien évidemment. 46, voilà, là vous 47, coupez le son, enfin 48, vous coupez, vous, arrêtez, vous savez, vous, 9, vous démerdez. Hein. 50. Ah. La mêlée, la mêlée. Ouais, la mêlée, je vous l'ai dit, la mêlée italienne n'est pas mal. La mêlée, la mêlée belle surtout. Oui, la sortie française avec, oui, avec du foutoir qui peut lancer l'attaque. Et là, ça va être un essai français. Un nouvel essai français. C'est grand, avec une pointe de plus. L'autre fou, l'autre grand fou, le crochet qui gagne. Non, tout Barmian. Voilà la claire de. Oh, Chaval. Bah, bon, oui. Sortie française et nouvel essai pour les tricolores. Si, si, je l'annonce, je sais, je m'avance un petit peu, j'anticipe, mais c'est pour que vous soyez prêts à, bien évidemment, sauter de votre canapé et fêter l'essai français, le nouvel essai français, comme ici, oh, avec Boucher qui... Oui, oh non, non, il a lâché non, le ballon. Non, il a handballisé le geste. Oui, c'est vrai, c'est, il s'est cru en zone, évidemment, c'est ce que dit l'arbitre, oui, oui, il tient en zone, donc le but n'est pas valable, on va le voir. Voilà, avec Karabatic, regardez, Karabatic qui rentre là et qui tire, mais il est en zone, effectivement. Et donc, ça n'est pas comptabilisé. Ah, merci Jean-Louis pour ce ralenti, pour cette musique.